Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui ne loupe jamais ses contre Mikiri. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. Pour commencer, on vous souhaite évidemment une bonne année 2022, qu'elle soit la meilleure, la plus heureuse possible au milieu de, eh bien, du chaos ambiant. c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Moi, j'ai une nouvelle technique, c'est-à-dire je ne souhaite pas la bonne année, tu vois, je souhaite un bon mois et on va voir au fur et à mesure. Une bonne semaine, voilà. Un bon week-end, ouais, voilà, c'est bonne journée. Voilà, passez un bon week-end. Ce qu'on peut vous dire par contre pour cette année 2022, c'est que nous, on sera là une semaine sur deux, le vendredi. Vous pouvez nous retrouver dans toutes vos applis. On va au bout des jeux. C'est ça, c'est Fin du Game. On est là, vous pouvez compter sur nous. Et on vous a préparé un programme. De toute façon, là, pour début 2022, il n'y a que des missiles. J'ai envie de dire que des ogives comme ça, nucléaires, qu'on envoie. Voilà, il n'y a quasiment que ça. Et on commence en plus, voilà, très très bien l'année avec Sekiro. Il y a eu des news quand même à la fin de l'année. Il y a eu des nouvelles choses. Oui. Voilà. Fin 2021, c'est terminé vraiment comme un immense feu d'artifice. Un festival. La première chose à dire d'abord, c'est le nouveau palier qui est arrivé, c'est les sessions FDG. Qu'est-ce que les sessions FDG ? Eh bien, tout simplement, on s'est dit que, eh bien, pour préparer cette émission, on doit jouer aux jeux dont on parle, on doit parfois les relancer, les découvrir aussi, et on s'est dit, bah, pourquoi on ne vous partagerait pas ça en stream, en live, sur Twitch ? Et c'est ce qu'on va faire donc sur notre chaîne Fin du Game JV, tout attaché, hein, sur Twitch, vous pouvez nous retrouver. Et donc, une fois qu'on atteint ce palier, eh bien, on s'engage auprès de vous à partager certaines de nos sessions, et ce sera peut-être pour vous l'occasion aussi de découvrir ou de redécouvrir les jeux dont on va parler un peu plus tard dans l'émission. Voilà, c'est encore une manière de se préparer, de faire un petit peu ce club de lecture qu'on c'est a ça, avec l'idée le Discord. C'est de prolonger un peu cette idée-là, de vous partager un peu nos sessions de préparation. Peut-être que moi, je sais qu'il y a des moments où je vais regarder plutôt des conférences. Peut-être on va lire des articles, on va discuter éventuellement. Bref, on va vous partager un peu des petites sessions du coup, de la préparation, d'où le nom. Voilà, le département marketing a quand même fait un brainstorming incroyable. Le brain trust de Fin du Game, voilà, CIMIC a décidé. Donc voilà, le prochain palier, c'est notre prochain objectif. Et on en profite bien sûr pour remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints juste avant les fêtes, parce que là vraiment on a eu un petit boum, petit pic d'explosion avec la sortie de cet épisode bonus. Donc ça nous a fait super plaisir. Donc voilà, merci du fond du cœur. Merci énormément. Et aussi pour vous remercier, vous pouvez aller sur le serveur Discord. Il y a la nouvelle Blacklist 2.0 qui est officialisée. Vous pouvez aller voter donc pour un certain nombre de jeux qui intégreront la saison 5. Et oui, on est déjà dans l'avenir avec Fin du Game, mais voilà, rejoignez-nous sur le Discord, le lien est dans la description, ou sur notre Twitter, vous pouvez nous trouver assez facilement, le rejoindre. On est plus de 6500 membres. Exactement, voilà, donc allez voter, voilà, pour sauver le jeu que vous avez envie de voir discuter dans l'émission. Et on va pas faire la liste des jeux, mais s'il y a des gens parmi vous qui veulent faire plutôt Yakuza 0 ou Chrono Trigger que Okami, venez sur le Discord, s'il vous plaît. C'était un message personnel de Maxime. Si vous aimez Golden Sun, venez sur le Discord. Voilà, donc ça c'est évidemment, comme le disait Benoît, merci énormément pour votre soutien. On attaque cette année 2022 vraiment sereinement et c'est vraiment grâce à vous, donc merci énormément. On remercie également notre sponsor Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo, mais pas que, quand même du jeu vidéo, puisque aujourd'hui on a pu lire le livre de Ludovic Castro sur Sekiro, sous-titré La seconde vie des Souls. Attention, il y a eu de la gamberge avant d'arriver à ce sous-titre. À mon avis, ils se sont pris la tête. Maxime, tu as pu le lire. J'ai pu le lire. Comme d'habitude, bon, décryptage de l'univers. Ce qui est bien, c'est que ça permet quand même d'aller un peu plus au fond au niveau du lore, des trucs, des motifs, tous les motifs qu'on voit dans le jeu, que nous, voilà, occidentaux, sont pas forcément faciles à reconnaître. Du lore et du contexte, tu vois, politique, géopolitique de l'époque, que moi je connaissais pas forcément. Mais c'est vrai que Sekiro te l'explique pas plus que ça, donc c'est bien d'avoir ces clés de lecture. Ouais. Voilà, donc comme d'habitude, un chef-d'œuvre de livres très complet, voilà, univers, décryptage, évidemment aussi beaucoup de parallèles avec les Soulsborne, hein, puisque c'est déjà quand même le troisième livre, il me semble, hein, sur les Souls, avant peut-être Un quatrième, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Non, je ne peux. Puis-je teaser comme ça? Je ne sais pas. Tant pis pour toi, Mehdi. Bah, écoutez, vous vous débrouillez avec ça. Vous vous débrouillez avec ça. Moi, je ne sais pas. Et puis voilà, on va pouvoir attaquer donc Sekiro. Il faut dire aux gens aussi une chose, parce que bon, c'est quand même le troisième épisode consacré au studio From Software. Mais pas que. Alors déjà, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de favoritisme au sein de cette émission? Oui, j'ai envie de vous poser la question. Alors, la légende qui voudrait que l'un d'entre nous trois ait fait sa carrière sur les jeux From Software, bon, alors déjà, mensonge et calomnie. Oui, voilà, c'est conspi. Ouais, ouais. C'est conspi aujourd'hui. Qui, carrément, aurait fait Bloodborne de son jeu ultime de la vie. Qui sont ces gens? Ouais, ouais. Non, voilà, vraiment. Bon. Non, voilà, en fait, pour tout vous dire, on n'était pas sûr de faire deux épisodes en fait en janvier, on vous laisse prendre une pause et tout. Et puis au final, on s'est dit, allez, non, on fait pas de pause, on continue, on reprend l'année directement. Et comme Sekiro était quand même beaucoup demandé. Sur le Discord, on s'est dit, bon bah vous savez quoi, on se lance, on se fait plaisir, on attaque la nouvelle année avec Sekiro. Il y a ça, et puis dans quelques semaines, il y a un autre jeu From Software qui arrive, donc bon, comment vous dire que, voilà, on va dire l'excitomètre, hein, il y a des choses qui sont alignées. Voilà, ouais, ouais, c'est vrai qu'on avait moins envie de parler de From Software, et là, oui, étrangement, vrai, ouais. Voilà, il y a des choses qui arrivent, on a envie de nouveau parler. Le pire, c'est que vous n'avez pas joué à la bêta d'Alien Ring, vous avez été sage. Hein, on t'a suivi comme le peuple, tout simplement, on était derrière toi, on s'est dit, voilà, les impressions d'Exerve, j'ai l'impression que Miyazaki nous prépare son chef-d'œuvre. Voilà, nous on a tout suivi. Hein. Parce que je sais même plus, mais c'est le combien déjà qui sort Elden Ring? Le 25 février. 25, ok. Voilà. Et on a choisi la musique? Il y a de la musique qui est marquée. On n'a pas encore vérifié si ça plaît à toutes les oreilles, mais j'imagine que oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, à la fin, bien sûr, voilà, DJ Max aura le dernier mot toujours. Et bah parfait, on se retrouve juste après ça. Sekiro Shadows Die Twice, c'est sorti donc le 22 mars 2019, c'est développé par From Software et c'est édité par Activision. Alors, on va pas se faire un gros review de qui est From Software, qu'est-ce que c'est cette entreprise. On a déjà parlé dans l'émission, hein, il y a l'épisode, je rappelle, donc sur les Soulsborne, donc l'entièreté des 5 jeux associés aux Souls, et on avait fait quand même en plus un épisode sur Bloodborne parce que bon bah il méritait, c'est logique. Et mais ce qu'on peut juste dire, c'est que un peu avant que le dernier jeu qui est sorti, donc avant Sekiro, c'est Dark Souls 3, qui venait donc clôturer vraiment bah, ces 5 jeux qu'on met aujourd'hui dans cette cosmogonie, donc Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 et 3, et Bloodborne qui vient se greffer un petit peu au milieu de tout ça. Et ce qu'on voulait dire aussi, c'est que à ce moment-là, en fait, bah Dark Souls 3, il a connu quand même un vrai succès. C'est 4 millions en 2 mois et plus... Enfin, plus... C'est 3 millions, ouais. 3 millions, pardon, excuse-moi Maxime, et 10 millions en 2020, c'était déjà 10 millions de ventes, donc voilà, c'est quand même un gros succès, et surtout, c'est plus une série de niche en fait, Dark Souls, à ce moment-là, avant même que Sekiro arrive, Dark Souls 3 était déjà sur un gros sommet de la vague, hein, mais c'est une licence qui est imposée, From Software, c'est un nom qu'on connaît, etc., et voilà, il y a du succès. De toute façon, de 2010 à 2020, c'est peut-être le studio qui est le plus monté, à mon sens, tu vois, en termes de notoriété, parce qu'ils ont réussi justement à briser cette espèce de plafond de verre, de devenir non plus un jeu de niche, comme c'était le cas, effectivement, mais voilà, aujourd'hui, c'est un jeu tout public. Je pense qu'on va pas se mentir, un truc comme Elden Ring, c'est probablement un des jeux les plus attendus sur quasiment tous les sites que tu peux voir. Tous les médias. Je pense que ça va être un gros carton en termes de vente. C'est un jeu qui est très très attendu et justement c'est leur objectif de réussir à faire découvrir cette formule là, cette façon de faire des jeux vidéo au plus de monde possible et au fur et à mesure de faire des évolutions, des réflexions. Et moi c'est ça que j'aime bien avec ce studio, c'est que de jeu en jeu on voit bien leur progression en tant que créateur, tu vois, on sent qu'il y a vraiment une réflexion sur ce qu'ils font à chaque fois. Et puis c'est pas rien quand même, tu vois, le jeu sorti PS5 c'était Demon's Souls Remake, tu vois, donc il y avait quand même un message ça, assez c'était fort. C'était un gros symbole. Du coup, c'est vrai qu'après Dark Souls 3, on peut préciser également que c'est le premier jeu qui est réalisé au moment où Hidetaka Miyazaki, donc le créateur de Demon's Souls, est déjà patron. Voilà, il est déjà patron. Parce que, en fait, il est passé patron, j'ai regardé ce matin, c'était en 2014. C'était donc, au moment de Dark Souls 2, je crois. En fait, Bloodborne. Bloodborne, ouais. Le DLC et Dark Souls 3. C'est-à-dire qu'au moment où il est en train de chapeauter ces deux projets, il dit « Tu serais pas président aussi ?» Et du coup, ouais, c'est à ce moment-là qu'il devient président. Et finalement, Sekiro est le premier projet initié vraiment sous la présidence de Hidetaka Miyazaki. Parce que ce qu'on sait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment des informations très parcellaires sur From Software, c'est des petites interviews. C'est comme le lore dans les jeux From Software. Oui, c'est presque ça. Hein. Même en lisant les interviews, tu comprends pas tout ce qui se passe, hein, parce que c'est vraiment des informations. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Voilà, c'est bon, vous pouvez nous donner des détails? Non. et on sait, par exemple, que quand il est arrivé, Hidetaka Miyazaki, il a voulu donner une impulsion de créer plusieurs projets en parallèle pour justement apporter une certaine sérénité financière, parce que l'idée c'est de pouvoir créer différents projets pour faire rentrer de l'argent régulièrement, parce qu'un projet comme Elden Ring ça aura pris 5-6 ans. Sekiro c'est vraiment un premier projet fait avec quelqu'un d'autre que soit Sony soit Bandai Namco, avec Activision. Je pense que c'était la grosse surprise pour pas mal de monde. Juste dernière petite précision, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles de faire plusieurs projets, et là Miyazaki il s'est décidé qu'il aurait toujours un co-director sur les projets, et donc c'est vrai pour Sekiro, donc c'est Kazuhiro Amatani qui l'accompagnera, donc il sera vraiment crédité comme co-directeur du jeu. Et sur Elden Ring c'est pareil, en fait là il a vraiment, parce que en fait Miyazaki c'est un mec qui veut vraiment le contrôle sur un peu tout, mais en étant président c'est plus possible, et du coup vraiment il s'est dit chacun des projets maintenant on mettra une personne, une sorte de bras droit qui sera le co-directeur, et c'est comme ça qu'il a restructuré vraiment From Software. A priori jusqu'à Sekiro il écrivait même des descriptions d'objets, des textes et tout, et c'est vrai que bon là tu, comme tu l'as dit, quand t'es président tu commences à chapeauter différents projets, tu peux plus aller jusque à ce bout là quoi. Et du coup, Activision, effectivement, c'est vrai que l'annonce d'un partenariat From Software Activision, c'était un peu une surprise, parce que Activision, c'est pas tout à fait l'école du gameplay japonaise et compagnie, hein, c'est Call of... C'est un des plus gros éditeurs au monde en termes de valeur, oui c'est ça, ils ont les plus grandes franchises, hein. Enfin je veux dire Call of Duty c'est la plus grosse franchise du jeu vidéo. Et encore on parle que d'Activision, puisqu'aujourd'hui c'est Activision, Blizzard, King, hein, donc voilà, c'est beaucoup trop de choses pour... D'ailleurs ça se passe pas très bien. Il y a des problèmes. Le mec qui gagne 6 millions de fois l'équivalent du petit salaire de Après c'est beaucoup d'affaires de harcèlement aussi, à la base je crois que c'est vraiment inégalité vérifiée entre hommes, femmes, et ça est monté jusqu'en procès à Cour de Californie je crois, Là de toute façon c'est en train de ça continue, c'est à dire que là c'est même des là grosses on a affaires des nouvelles de cette fin d'année là, donc voilà c'est vraiment dans la tourmente. Ça c'est, on va dire, petite parenthèse, mais voilà, Activision c'est un éditeur qui historiquement a vraiment toujours été orienté vers le très grand public, hein. Leur objectif c'est de vendre des jeux à masse de gens, donc les voir arriver avec des gens comme From Software c'est un peu surprenant, mais en même temps c'est peut-être aussi l'illustration de cette volonté de From Software de vraiment se faire connaître du grand public avec donc ce projet Sekiro. Sachant que Activision sert d'éditeur aux États-Unis, en Europe, bref partout dans le monde à part au Japon, où là ou peut-être même en Asie je pense, où c'est vraiment From Software qui s'édite eux-mêmes dans cette région, donc bien sûr ils ont mis quand même de l'argent dans le truc et ils les ont aussi accompagnés pour certains aspects du développement. On reviendra là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que c'était un peu une surprise, mais on n'a pas plus d'informations, encore une fois, que ça sur le deal. Hein. On aurait pu penser qu'ils allaient beaucoup communiquer, mais au final, non. Voilà, c'est juste un projet qu'ils avaient... From Software avait besoin de trouver un partenaire pour pouvoir créer ce projet, et ils l'ont trouvé en la personne d'Activision. Apparemment, ça s'est bien passé, et voilà. On peut même dire que ça a été plutôt bénéfique pour le projet, sur les tutos et tout, on y reviendra. Mais voilà, on peut voir ça quand même plutôt d'un bon œil. Ah oui, bah, clairement. Bon, je veux pas de toute façon, j'ai pas de problème particulier avec les Activision. Ouais. Ils ont une ligne éditoriale, tu vois, qui va pas me correspondre en tant que joueur. Mais bon, bah, je vais pas leur cracher dessus parce qu'ils font Call of Duty. Hein. Clairement. D'ailleurs, Call of Duty teasing. Wing wing. Ah oula. Mais non. Fin du game qui parle de Call of Duty ? Moi, je n'y crois pas. Moi, je vous le dis, moi, je n'y crois pas un seul instant. Restez à l'écoute. Alors, comment naît le projet, Maxime ? Qu'est-ce qui va initier la flamme ? Eh bien, a priori, une volonté. Peut-être un caprice, je ne sais pas à quel point c'était un chiant. Un caprice. Comme tu y vas. Je vois bien Miyazaki qui se dit... Oh, qui se lève un matin. C'est chiant, les ascenseurs. C'est chiant, les escaliers. Non, j'exagère un petit peu, évidemment. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans le bouquin de Third Edition, qui a cette volonté d'avoir un grappin pour dynamiser justement un petit peu le level design... auquel on était habitué, qui était très vertical hein, chez les Souls, mais comme dit, c'est beaucoup d'ascenseurs, beaucoup d'échelles, beaucoup d'escaliers. On était cloué au sol, quoi, vraiment, ouais. Littéralement. Il y avait possibilité de sauter, mais il n'y avait pas de bouton oui, voilà, saut, et c'est toujours un enfer quand il faut le faire, pour sauter, des sauts en avant. D'ailleurs, et voilà, et Sekiro, c'était révolution, il y a un bouton saut, et il y a... Révolution. Dans un jeu vidéo, on peut sauter, et ça, c'est complètement incroyable. Dingue. Ah, là, Sekiro, il y avait ça, tu peux tomber de haut, c'était, oh là là, oh là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé mon Dark Souls. Mais donc voilà, on a un grappin, du coup, c'était... en fait, c'est de là vraiment que naît Sekiro, et c'est intéressant puisque c'est de là même que va venir cette justification par le shinobi, le ninja qui a cette prothèse, pardon. On va revenir un petit peu sur tous ces détails d'accessoires plus tard. Et ce qui était aussi, alors pas curieux, mais aussi étonnant, c'est qu'ils possèdent la licence Tenchu, et ils ont décidé en fait de faire une nouvelle licence, puisque finalement ils se sont dit que s'ils faisaient un nouveau Tenchu, il y aurait peut-être des attentes auxquelles ils veulent pas forcément répondre, notamment j'imagine de l'infiltration, parce que Tenchu c'est un jeu d'infiltration, et encore une fois on va revenir en détail là-dessus, mais Sekiro, l'infiltration c'est pas le cœur du jeu, quoi. Et Tenchu, juste pour rappeler, donc c'est une licence qui est née sur PS1 oui, en 98. C'est ça, ça date de 98, donc c'est passé entre plusieurs mains. Activision d'ailleurs à un moment donné possédait Tenchu, voilà pour l'anecdote, et c'est vraiment un jeu d'infiltration, d'assassinat. C'est-à-dire que vous prenez Splinter Cell, vous prenez Sam Fisher, vous l'enlevez, vous mettez un ninja à la place. Grosso modo, vous avez Tenchu. Voilà, il y a à boire et à manger dans cette série. Hein, on va pas se mentir, il y a eu des bons et des mauvais épisodes. Bah, c'est une série qui est vraiment tombée. Enfin, oui. Les premiers épisodes avaient leur réputation. Après, c'est vraiment devenu une sorte de truc qu'on a essayé de traire comme une vache. Assez longtemps, From Software, c'est des jeux quand même assez moyenne gamme, ouais. Assez inintéressants qui sortent. Tenchu en faisait partie. Le truc, c'est que je comprends complètement cette idée, tu vois, de ne pas vouloir en reprendre l'IP, parce que bah, ça aurait été un reboot, entre guillemets. Mm-hmm. Une IP, c'est pas juste un nom, c'est des éléments de décor, des éléments d'histoire, des personnages. Il aurait fallu reprendre des persos, une histoire. Il y aurait eu des gens, tu vois, qui attendaient un nouveau Tenchu, parce qu'ils connaissaient le truc. Donc, bah, je trouve ça plutôt sain d'avoir réussi, tu vois, à dépasser cette facilité de se dire on prend un nom que les gens connaissent. Ouais. Et voilà, parce que de toute façon, From Software, aujourd'hui, c'est un nom qui porte suffisamment. Oui, voilà. Ils auraient pu appeler ça Sekiro, Tartempion. Mmh. Les gens achèteraient. C'est un jeu From Software, ils viendraient dessus. Oui, voilà, ils peuvent se le permettre, ce qu'autant pour d'autres, en fait, avoir la licence Tenchu, ça peut représenter une opportunité pour justement s'adresser aux fans dont tu viens parler. Mais pour From Software, qui n'a pas besoin de se faire connaître, ce serait plus un boulet qu'autre chose, quoi. Et d'ailleurs, il y avait pas mal de choses, en fait, dans Tenchu qui étaient là. Donc, il y avait sauter, évidemment. Il y avait un grappin, ça aussi. Je crois que dès le premier, il y avait cette espèce de grappin pour monter comme ça sur les petites murailles qu'on retrouvera. Alors, vraiment dans le domaine d'Hirata. Moins vertical, oui, hein, voilà, ça reste des petits villages, mais ça permet de passer sur les toits, parce que c'est un peu l'objectif. Il y avait des trucs contre des parois, enfin bref, en fait tout le folklore un peu d'infiltration qu'on retrouvera après, comme tu le disais, par la suite dans les Splinter Cell, et qu'on retrouve aussi dans Sekiro, tout ça c'était déjà dans Tenchu. Et même, c'est vrai que je me souviens au début, les premières annonces, tu vois, les gens étaient vraiment en mode c'est Tenchu et tout, c'est un faux Tenchu, etc. Bon, on découvrira par la suite que du coup ça ne sera pas le teasing. On reconnaissait, tu vois, l'époque japonaise, et on s'est dit qu'est-ce qu'ils ont dans leur escarcelle, les gens de chez From Software, avec du Japon. Ben, tu vois, en gros, ça t'arrive en plein dans la tronche, c'est oui, Tenchu, mais en fait non. Et le petit point aussi, Activision, ce qui a permis d'apporter aussi pas mal Activision, c'est beaucoup de playtest, hein, parce que c'est ça aussi, un éditeur, ça permet d'avoir vraiment une armada de pouvoir playtester des choses. Les tutos aussi, il y a eu une volonté de dire les gars, nous on vous aime bien, on veut bien bosser avec vous, mais est-ce que vous pouvez pas faire peut-être un petit tuto, un truc un petit peu plus cadré que d'habitude. Et From Software aurait dit, c'est vrai qu'on sait pas très bien faire. Et ils l'ont fait sans blague, parce que bon, les messages au mur que tu peux louper, effectivement, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Tu sais, j'aime bien les euphémismes à la japonaise, c'est très très drôle. Tu sais, le Dito Demon Souls, c'est une salle où il y a 40 messages au sol. Mais tu sais que justement, quand je suis là, j'ai joué au remake, j'ai fait, mais c'est vraiment n'importe quoi, tu vois. Et enfin, tu sais, Bloodborne, moi, je l'avais littéralement loupé. Enfin, faut faire une petite balade dans l'atelier et t'as un petit message, ils te disent, alors ça, c'est pour faire ci, c'est pas. Enfin, tu sais, c'est. C'est vraiment, c'est une notice déguisée dans le jeu, ça n'a aucun sens, donc vraiment, ouais, il était temps que From Software se mette à faire un vrai tuto, et là, vraiment, c'est vraiment un tuto, triple A, assez classique, on a vraiment cette séquence d'introduction où on va s'initier justement un petit peu aux mécaniques d'infiltration, et puis après, une fois qu'on est chez le sculpteur, il y a le fameux, c'est Hanbei, c'est ça, qui nous apprend toutes les techniques de combat, c'est un sparring partner, littéralement, bon, ça, dans les Souls, c'est quand même un peu une surprise de voir un personnage comme ça, quoi. Ouais, surtout qu'en plus c'est vraiment des checks, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste tu vois avec un menu et des pop-up qu'on peut relire, il va nous mettre des épreuves en bail et donc au fur et à mesure qu'on va le vaincre, il va nous en proposer des nouvelles et donc on va pouvoir revenir le voir régulièrement au long du jeu pour débloquer des petites astuces sur des techniques un peu plus avancées. Alors ça reste cryptique, c'est-à-dire qu'il faut penser à revenir le voir après une condition impossible à deviner, mais voilà, le fait est qu'il est là, donc c'est quand même un petit plus par rapport à... Après c'était déjà ça, moi ça me fait penser aux Zelda, il y a toujours un maître d'armes, tu sais, et tu peux revenir et tu vas pouvoir débloquer comme ça d'autres techniques. Après les tutos, on va revenir en détail plus tard, mais tout n'est pas parfait dans les trucs. Il y a une amélioration, c'est déjà beaucoup mieux. En fait, l'entrée en matière est déjà beaucoup plus, elle est beaucoup plus normalisée. En fait, c'est pas cette entrée qu'on avait dans les Souls où en mode genre démerde-toi. Et là, c'est vraiment ok, t'es quand même guidé. Il y a vraiment un petit chemin à suivre où il y a les pop-up qui arrivent et ensuite encore une fois en bay. Donc on est quand même un peu plus pris en charge. Voici ta gourde, ton truc, voici ton épée, etc. Donc le jeu, ils ont fait des efforts et ça, eux, ça leur permet aussi d'aller dans cette direction aussi. Justement, parce que un de leurs objectifs, c'est de réussir. Parce qu'il faut pas se dire. Je pense qu'il ne faut pas se dire que les gens de chez From Software, ils veulent être cryptiques parce que je pense vraiment que dans une certaine mesure, ils ne savent pas faire ces trucs-là. Et donc, ils ont besoin aussi du contact d'autres studios, qui ont un certain savoir-faire pour justement les aider là-dessus. Alors, on n'a pas trop non plus d'informations en fait vraiment sur le making-of du jeu. Hein. Vraiment, là, il n'y a rien. Il n'y a pas de conférence. Il n'y a rien qui a été donné. En plus, après Sekiro, un tout petit peu de temps après, il y a un truc qui est le Covid et tout. Donc vraiment, depuis, il n'y a pas eu de conf. Il n'y a pas eu énormément d'articles. Miyazaki, From Software n'ont pas du tout communiqué sur le jeu. Donc, ils étaient occupés avec un autre truc. Oui, ils étaient occupés avec un autre truc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas énormément de choses. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que dès que le jeu sort, ça va être un gros succès. Alors cette fois-ci, ce ne sera pas les 3 millions non plus de Dark Souls, mais ce sera quand même 2 millions en 10 jours. Quoique, non, si, 2 millions en 10 jours. Bah si, c'est énorme. 2 millions en 10 jours et 4 millions en 5 mois. Ça a vraiment cartonné. C'est là aussi qu'on voit la force de frappe médiatique d'un Activision qui, du coup, va pas avoir les mêmes canaux de communication et qui a en plus une place forcément mise en avant dans tous les salons, les E3, les machins. Tu voyais du jeu From Software avec écrit Activision, tu sais que tu en entendais parler. Et puis, on avait depuis, je pense, peut-être le premier Dark Souls, jamais autant attendu le prochain From Software, parce qu'il y avait quand même un rythme de fou, tu vois, de Dark Souls. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu Dark Souls 3, mais tous les ans, t'avais t'avais un jeu ou un DLC, tu vois. C'est vrai qu'on a eu l'enchaînement Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3, là, qui s'est fait sur 3 ans. D'année en année, c'était assez surprenant. Et là, tout le monde attendait, on était pendu. Au truc, enfin, je me souviens vraiment de l'apparition du teaser juste avec les os qui se tournoyaient sur eux-mêmes pour craquer un peu. On se dit, ça y est, ils sont de retour, ça fait plaisir. Et ils l'ont annoncé tôt d'ailleurs, annoncé peut-être un peu trop tôt même, parce que l'attente a été un petit peu longue. Tu vois les fanboys, c'est jamais dans fin du game où on dit que l'attente elle était longue, mais Sekiro l'attente était longue, on peut vous le dire. En plus, comme dit, c'est que Dark Souls 3 c'était un succès énorme, les DLC ont été très bien reçus, et là, boum, d'un coup, faut attendre 2-3 ans, ce qu'avait pas été fait depuis longtemps, donc il y avait une attente de fou pour Sekiro. Un succès aussi évidemment critique, c'est 88 sur PC, 90 PS4 donc sur Metacritic, on est dans des scores tout à fait honorables, dans la moyenne habituelle des Souls, qui tournent autour des 89, des trucs comme ça, et puis il recevra le GOTY 2019 au Game Awards de Geoff Keighley, quelque chose qu'on avait tous les trois un peu interprété, genre en mode c'était le moment de consacrer en fait un petit peu les From Software et Oui, pour c'est ça, c'est un peu le prix qu'on donne à un grand réalisateur à la fin de sa carrière pour l'ensemble de sa carrière, tu vois, ouais, c'est genre ah oui, on a oublié de te filer un Oscar, voilà, tiens. Il était temps qu'on donne un truc parce que alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre en 2019? En fait, il y avait Death Stranding, tu vois, c'est aussi moi on aurait plus misé sur ce cheval-là, je pense. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Death Stranding, ouais, surtout que c'était le copino de Puis il y avait Outer Wilds, il y avait c'est la grande année, c'est la grosse année. Ouais, bien sûr. Il y a eu pas mal de gros jeux, Sekiro, c'est vrai que c'était surprenant, mais par contre voilà, c'était une vraie manière en fait, c'est ça, de saluer, de rendre hommage au travail de From Software et de Hidetaka Miyazaki en particulier, même si évidemment aujourd'hui ne faisons pas l'erreur de croire qu'il y a que lui qui fait son petit jeu. Bien sûr, c'est une armée de gens autour de lui, mais voilà, c'est vrai que cette histoire de Game Awards, moi je m'étais dit bon bah c'est pas leur meilleur jeu, tu vois, c'est pas mon préféré en tout cas, on va plus le dire comme ça, mais je comprends que ben ils ont réussi à ne serait-ce que de réussir à faire un jeu aussi connu, aussi grand public, alors qu'il partait quand même de Demon's Souls, qui était plus une expérimentation qu'autre chose, c'est quand même assez impressionnant comme parcours. On est littéralement 10 ans après Demon's Souls, quoi. Donc on voit quand même le chemin parcouru par ce studio à s'être imposé. Bon, de toute façon, comme tu le dis, je pense qu'on est tous les trois d'accord, les années 2010, c'est l'éclosion vraiment de From Software et qui vraiment s'impose comme un studio important dans le paysage vidéoludique, tout simplement. Ça y est, c'est le premier de 2022. Forcément, la sortie de Sekiro n'a pas été entourée que de ventes et de critiques. Il y a eu d'autres choses autour de la sortie de Sekiro. Voilà, ça a été vraiment une vague énorme de débats autour de la difficulté. Ça a fait parler, mais pendant littéralement des mois. Et puis, de toute façon, ça ne s'arrête jamais. Ça revient. C'est le cycle, en boucle. Ouais. Voilà, c'est le cycle éternel, l'immortalité. On ne pourra pas la rompre. C'est l'histoire de la vie. Ce qu'on voulait dire là-dessus sur ce débat, on se replongeait un petit peu, on se disait comment aborder la chose. Ce qu'on voulait dire déjà, ce qui était en fait, ces débats, ils sont assez ils cristallisent beaucoup de problèmes en fait des discours autour de jeux vidéo. Déjà, on s'est dit que en fait le débat sur la difficulté, c'est un truc qui fait cliquer, qui fait de l'engagement, peu importe. En fait, c'est un truc qui marche toujours. Moi, je peux le dire honnêtement aux gens qui m'écoutent. Si demain je me dis vas-y, je refais encore une vidéo sur la difficulté sur Game Next Door, je sais qu'elle va marcher. Et même, ce serait vous mentir que je me suis pas traversé l'esprit en me disant vas-y, il y a Elden Ring qui sort. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi je réfléchirais pas comme tu vois? Il y a ce côté vraiment filon qui donne toujours. Tu sais, c'est vraiment la poule aux œufs d'or où tu te dis, toi, en tant que créateur contenu, tu te dis, à fortiori, un type comme moi où je parle un peu de jeux From Software sur ma chaîne YouTube, j'ai toujours pas fait de vidéo sur la difficulté parce que j'ai pas envie de céder tu vois, à cette sirène facile parce que ça va juste créer de l'engagement. Les gens, ils ont une opinion sur ce sujet-là, peut-être même encore plus que sur d'autres sujets du jeu vidéo. Ouais. Donc, ça va créer de l'engagement, ça va créer du partage. Et on le voit bien, mais à chaque fois que quelqu'un, une personnalité un peu connue du milieu du jeu vidéo, sort sur un truc sur Twitter ou quoi que ce soit et nous parle de difficultés, on nous pète les ronds ça pendant 3-4 jours. Et c'est reparti comme en 14. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est à chaque fois, tu sais, les. Et c'est la même chose. Exactement les mêmes choses. On n'évolue pas en boucle. C'est vraiment la pièce qu'on met dans la machine. Nous, ce qu'on voulait dire, voilà, c'est ça. C'est cette idée que c'est un sujet qui est facile. C'est vraiment un vrai marronnier dans la discussion du jeu vidéo parce que, à la fois, les professionnels des médias savent que c'est du clic facile. Ça permet de remplir le frigo. Les créateurs de contenu, même combat. Les gens, joueurs, joueuses peuvent également défendre leur beefsteak avec cette histoire-là. Il y a juste un truc qu'on veut vraiment. Sur lequel on veut insister, c'est qu'il y a souvent une confusion assez originel dans cette discussion entre une notion d'accessibilité et de difficulté. L'accessibilité, c'est vraiment tout ce qui va être mis en place pour rendre jouable des jeux vidéo accès à des personnes en situation de handicap ou invalides. Et donc ça n'a rien à voir avec la difficulté. Vous pouvez avoir le jeu le plus facile du monde où il suffit d'appuyer sur un bouton, mais si vous êtes dans une condition où vous pouvez pas contrôler votre doigt ou j'en sais rien, vous pouvez pas cliquer, vous avez besoin d'options d'accessibilité. Donc ça, c'est en fait ce qu'il faut dire, c'est que Sekiro et les jeux, les Souls, en fait, en termes d'accessibilité, ne sont pas pires que plein d'autres jeux qui sortent. Vous prenez des jeux Nintendo, je sais pas, Metroid Dread récemment a eu plein de soucis d'accessibilité, mais même, je sais pas, Breath of the Wild qui est, c'est un monument, il y a des problèmes en termes d'ergonomie, etc. Enfin, il y a plein de soucis d'accessibilité et vraiment les Souls sont pas bien pires que les autres. Le souci, c'est que ils sont pas bien mieux. Ils sont pas bien mieux. Ouais, clairement, ça, il faut le dire. Mais par contre, par exemple, dans Sekiro, on peut remapper les touches. Ça, c'est déjà un effort qui a été fait par rapport aux anciens, trucs. Et ça, on peut peut-être d'ailleurs saluer Activision. Tu vois, c'est sûrement quelque chose qu'Activision a apporté à From Software en disant, on va essayer quand même d'appliquer un certain nombre de bonnes pratiques qu'on fait maintenant, dans les gros jeux occidentaux en général. Justement, l'accessibilité, c'est quand même un terrain. devient un vrai argument depuis quelques années, c'est Microsoft, là, pour le coup, qui a lancé la mode de cette tendance, plutôt, de vraiment faire un discours au cœur de leur ligne éditoriale, et on peut les saluer pour ça. Ils ont pris du temps pour étudier, ils ont fait, par exemple, cette fameuse manette qu'on peut moduler vraiment en fonction du handicap pour qu'un maximum de gens puissent y jouer. Et c'est vrai que dans les AAA aujourd'hui, c'est même devenu une catégorie au Game Awards, les options d'accessibilité, avec la possibilité de changer les couleurs, d'afficher le texte en plus gros, d'afficher des systèmes de son. Il y a même Forza Horizon 5 qui propose une version sous-titrée en langage Que ce soit jouable qu'avec une seule partie de la manette ou avec des choses comme ça. Donc vraiment énormément d'options. Enfin, c'est un champ assez passionnant en fait d'expérimentation, mais ça se met en place doucement dans le jeu vidéo. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a pas grand chose à faire. En fait, ça peut. Les deux choses peuvent se confondre sur des aspects en fait très précis, mais vraiment la difficulté, c'est-à-dire le ressenti que vous avez à ne pas arriver à surmonter le challenge que vous propose un jeu, ça en fait c'est complètement différent. Ça dépend de votre parcours, ça dépend de vos références. C'est sûr que si c'est votre premier jeu auquel vous allez jouer, oui, Sekiro ça va être difficile. À l'inverse, pour des gens comme nous qui avaient déjà joué aux Souls, qui connaissaient déjà la philosophie du truc, on a un rapport qui est complètement différent. Et puis voilà, c'est des affaires de patience, de temps aussi qu'on peut donner au jeu. Bref, il y a énormément de choses là-dessus qui vont dicter quel est le ressenti de cette difficulté. Je pense que ce qu'on voulait essayer de donner dans cette petite parenthèse sur la difficulté, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse. Chacune va avoir un rapport très personnel avec ce truc-là, et le fait que les jeux vous posent plus ou moins de problèmes, c'est à vous de savoir où vous mettez la limite en fait. Après, la question qui vient, je remets une petite pièce dans le jukebox, mais c'est pour faire ce que vous allez entendre. De toute façon, quand Elden Ring va sortir, c'est que vous allez avoir les pros vision d'auteur qui vont dire le jeu il est comme ça et il peut pas être autrement, et s'il était autrement ça casserait tout et toute la volonté d'auteur. Et là j'exagère un peu, mais il y a des gens, c'est quand même assez ça, c'est le côté assez extrême, on l'a lu des milliers de fois. Et il y a d'autres gens qui ont plutôt milité pour un mode facile, sans forcément dire mode invincible ou quoi. Après, il y a des gens qui peuvent militer pour un mode invincible, c'est leur droit aussi. Et la question c'est toujours, est-ce qu'un mode facile pourrait retranscrire ou pas l'intention de l'auteur, mais aussi est-ce que les gens, parce qu'on rappelle que c'est des expériences subjectives, que la difficulté c'est une notion subjective, est-ce qu'un mode facile pourrait aussi faire ressentir la même chose à une personne qu'une autre qui jouerait en mode plus dur? En fait, il n'y a pas de réponse absolue à ça, puisque chaque personne a une expérience différente, comme nous on se l'est déjà dit entre nous. Une personne qui, si un mode facile de Dark Souls 3 existait et qu'une personne jouait au jeu pour la première fois à Dark Souls 3 en mode facile, ce serait peut-être plus dur quand même pour elle qu'une autre personne qui a déjà fait Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne en mode normal. Donc de toute façon, à partir de là, c'est subjectif, et il y aura toujours les gens, ça casse le jeu, ça casse pas le jeu, il y a pas de réponse absolue, et vous allez réentendre ça quand Elden Ring va sortir, quand il y aura Returnal 2. De toute façon, ça va revenir régulièrement. Il y a un truc, c'est qu'il y a le choix de la nomenclature du mode facile, le fait d'appeler ça facile, ça relève, vous savez, tout ce relent d'élitisme. Ce petit discours de fond du jeu vidéo, comme quoi il y a les vrais gamers et les faux gamers, et les gens qui jouent aux vrais jeux vidéo et les gens qui jouent aux faux jeux vidéo. Bref, c'est des discours qui tournent assez en rond, on va pas se mentir là-dessus. Donc ce qui est important, et c'est un truc moi vraiment à titre personnel qui dans mon parcours est important, parce que je fais des vidéos pour dire aux gens vous pouvez y arriver, ça va bien se passer. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens des fois qui me disent, mais c'est paradoxal parce que tu es pour un mode facile dans un jeu Souls, mais s'il y avait un mode facile, tu perdrais ton travail. Et en fait, je ne pense pas. Si c'était le cas, ça me dérangerait pas. Fondamentalement, je parlerais d'autre chose. C'est pas comme si il y avait pas d'autres jeux vidéo dans l'univers. Mais voilà, c'est cette idée que comme on va pas du tout avoir le même rapport. Penser que le fait que d'autres gens puissent profiter d'un jeu différemment de nous, ça va pas leur donner la même expérience, c'est un peu égoïste comme façon de penser. Et surtout qu'en fait, c'est déjà le cas. En fait, tout le monde a des expériences différentes, on a tous un rapport différent. Il y a certaines personnes qui vont passer 10 heures sur un boss, d'autres une heure. Qui a eu la vraie expérience? On sait pas. On n'a pas du tout le même rapport. On en parlait avec Max. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des boss que lui, il a trouvé plus facile que moi, alors que, a priori, j'ai plus d'XP en termes de jeu Souls. Sauf que, et puis c'est un jeu qui tourne beaucoup sur du rythme. Et ça, d'un point de vue, moi, cognitif, je suis pas bon. J'ai pas le sens du rythme, donc j'arrive pas à garder ça. Et même là, en rejouant à Sekiro pour préparer l'épisode, j'ai galéré à certains moments. Donc comme on n'a pas cette même expérience, il n'y a pas de bonne réponse. Et puis rendez-vous compte, Sekiro, il était en 30 FPS sur console et en 60 FPS sur PC. Moi, je veux dire, tous les gens, si vous avez fait Sekiro sur PC, vous avez fait le mode facile. C'est parti. Non, mais c'est vrai que c'est difficile de pas rentrer dans le cynisme. Donc l'idée, on voulait juste essayer de rappeler deux trois petits trucs. On sait que bonne pratique, c'est n'engagez pas. Ne rentrez pas dans le truc. Mais en fait, c'est terrible. Et je le dis moi aussi. En fait, quand ça anime toutes les discussions, C'est difficile vraiment de résister, oui, mais aspiré, il faut repenser à Sekiro, au calme intérieur. Voilà, voilà, faites le calme avec vous-même. Voilà, exactement. Luttez contre les trois poisons et ça se passera bien. Donc il y a trop de haine aussi, dans le sens où ça sert à rien de discuter avec des gens qui sont déjà ultra convaincus, qui sont juste là pour se prendre la tête, parce qu'il y en a, nous on a déjà vu sur Twitter ou quoi, évidemment, dès qu'on prend un peu la parole sur ça, il y a des gens qui sont juste là pour se prendre la tête avec toi. C'est pour le fight, hein. Juste, ouais. Qui partent du principe qu'ils ont raison. La bagarre. Fait, et il y a même des questions, en fait, où, si c'était posé la question 2 minutes, même eux auraient pu trouver un début de réponse, et à partir du moment où c'est eux qui demandent tout le travail, ça ne sert à rien, en fait, c'est tout. Très bien, et bien tout ça c'est dit, voilà, on a fait un débat sur les débats sur la difficulté. Oui, oui. On est en avance quand même, ah bah, hein, bien du game. Très bien. Bon, écoutez, on va pouvoir rentrer dans l'histoire du jeu, et cette fois c'est Maxime qui nous a préparé une sorte de grand récital qui va nous donner maintenant. Alors c'est un peu décousu, je risque d'avoir besoin d'aide, puisque comme souvent il y a toujours l'histoire dans l'ordre chronologique, puisque des événements se passent avant notre arrivée dans le jeu, hein. Ça c'est un marronnier des Souls aussi, hein. C'est une thématique assez récurrente, et on va en parler aussi, mais on va faire parti pris un petit peu entre les deux, puisque dans Sekiro, nous incarnons donc Okami, qui veut dire loup, comme l'animal en français, son surnom deviendra Sekiro, et on est donc un shinobi, et on est le protecteur d'un enfant divin immortel qui s'appelle Kuro, et qui vivait dans le domaine Hirata pendant toute son enfance, et à un moment, ce domaine se fait attaquer par des pillards, car oui, on est au Japon donc féodal, hein, à l'ère Sengoku pendant le, je crois, c'est 16e siècle. Ouais, voilà, c'est autour de 1500, voilà. Comme ça. On reviendra un petit peu en détail de tout ce que ça veut dire, mais le pays est torturé, en fait, entre unification et principauté indépendante, et il y a un petit peu, voilà, c'est une période de guerre et de conflit, oui, hein, c'est la grande période de guerre, hein. qui s'affrontent pour partager le territoire. C'est un grand classique, hein, ouais, des jeux, ouais, vidéo, c'est vrai que c'est une ère qui fonctionne bien pour tout un tas de jeux, parce qu'il y a ce côté très féodal avec des guerriers qui s'opposent, avec des volontés de... Bah, il y a effectivement une envie d'unification du Japon, ça va se terminer comme ça d'ailleurs, et c'est du pain béni, hein, pour les jeux vidéo. Et donc Okami et Kuro s'enfuient du domaine Hirata et vont trouver refuge chez Ishin, qui est justement un de ses seigneurs locaux, hein, qui a créé, donc après avoir vaincu, je sais plus, un général ou quoi, j'ai oublié ces détails là, mais il a créé son château, donc le domaine Ashina tout simplement, et tout se passe bien, il les accueille, mais eh bien, comme on l'a dit, c'est que il y a une volonté de réunification, donc il y a des ennemis, hein, qui sont aux portes d'Ashina, qui sont en train de gagner de plus en plus de terrain, et au bout de quelques années, eh bien, déjà Ishin tombe malade, hein, il perd de sa force, c'était un guerrier extrêmement fort. Un petit papy à ce moment-là. Ouais. Il est toujours très fort, mais il commence un peu à flancher. Et c'est son petit-fils adoptif, Genichiro, qui finalement va prendre le lead et qui a des opinions opposées de Ishin, qui lui est toujours plutôt pour le combat. En tout cas, il s'oppose à Genichiro puisque celui-ci veut en fait s'emparer des pouvoirs divins de Kuro, de l'enfant, ce à quoi donc s'oppose à Ishin, et il enferme Okami. Et c'est là qu'en fait, nous, on commence le jeu, on est en prison depuis déjà un petit moment, on a été enfermé par Genichiro. Pendant ce temps, Kuro, il est dans une tour, enfin, il est un peu dans sa prison, mais plus doré. Voilà. C'est l'enfant divin, voilà, c'est un enfant de seigneur à la base et tout. Il est en train de lire des textes, on va revenir dessus, mais il apprend des choses, hein, pendant ce temps. Donc on sort de prison grâce à Emma qui nous indique un petit peu la voie à suivre et qui est en fait une apprentie médecin à la base, enfin que médecin à l'époque où on joue, et qui est avec Ishin. Donc Ishin nous aide en fait par des biens interposés, puisque bah, il peut pas s'opposer quand même frontalement à son petit-fils, puisque ça pourrait créer de la division, enfin bref. Ça c'était pour comprendre, parce qu'au début moi je comprenais pas pourquoi Ishin il nous aide, mais en fait non, ouais, enfin, ouais, tu vois, ouais. J'ai un petit peu de mal, mais c'est parce qu'il nous aide en secret, en fait il peut pas trop l'afficher. Succession. Mais oui, c'est les manigances, tu vois, c'est ça. Et du coup, eh bien, on va aider Kuro, hein, qui se faisait emmener par Genichiro, qui, il rappelle, veut s'accaparer son immortalité. On échoue, on se fait couper le bras. Donc Genichiro emmène Kuro. On se réveille chez un sculpteur, hein, qui sculpte plein de petites statues de Bouddha, à qui il manque un bras aussi, on voit, et il nous confie son ancienne prothèse avec laquelle il se battait à une époque. Prothèse, voilà, qui a plein d'accessoires différents, mais on commence en tout cas avec un grappin. Là, je skip une grosse partie de l'histoire, mais on retrouve Kuro. Oui, en gros, l'histoire, c'est repartir à la recherche de Kuro et retrouver, voilà, au château, à la réserve d'Ashina, là où Genichiro retiendrait Kuro, et donc l'affronter une nouvelle fois, cette fois-ci avec la prothèse, et d'essayer de le vaincre, et on va y arriver, on va arriver à le battre, mais en fait, quand on le tue, eh bien, Genichiro, il arrive à ressusciter, mais pas grâce au pouvoir du dragon, hein, qui est celui que nous a confié, donc, qui nous permet, nous, de ressusciter, déjà, Sekiro, mais grâce à un autre truc, c'est la source, c'est une version concentrée de l'eau de jouvence. On va revenir tout en détail là-dessus, mais il y a effectivement un dragon bien loin, et c'est de là que vient l'immortalité. spiritualité, hein, mais il y a de l'eau pure en fait qui se déverse dans la vallée Bodhisattva, je sais plus exactement comment ça s'appelle, c'est un nom, mais bref, mais c'est de l'eau du coup, c'est l'eau du bain du drago, voilà, il trempe dedans, donc ça donne un peu l'immortalité dans l'eau, et du coup lui il fait une version lait concentré, ouais, il la boit et ça lui permet donc de ressusciter et surtout de s'enfuir. Mais nous on va pouvoir donc commencer à discuter avec Kuro, et Kuro nous explique que lui, eh bien, il veut rompre le cycle. Tiens, c'est étonnant. Dans un jeu, on reprise le cycle, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas. Et donc, il nous explique que, eh bien, pour ça, on va devoir préparer une petite popote à base de différents ingrédients. Donc, on va d'abord devoir trouver, eh bien, lotus, il me semble. Donc là, on ira vers les copains, les singes, la vallée des singes. On va devoir aussi récupérer une pierre. Ouais. Là, je crois que c'est plutôt vers le village Mibou et compagnie. Oui, c'est gardé par la version holographique de la projection astrale. Projection astrale de la prêtresse. Et une branche de cerisier, c'est un cerisier persistant qui a été coupé, je crois, pendant l'attaque, peut-être au Dominirata, c'était peut-être là à ce moment-là. Non, il avait été replanté à chien, mais il ne pousse plus fort. Bref, il a tout un passif, ce cerisier. Et ça, c'est notre père qui l'aurait sur lui, donc on n'en a pas parlé encore, la chouette, qui est celui qui aurait recueilli Sekiro sur le champ de bataille et qui en a fait son fils adoptif et qui lui a enseigné l'art d'être un shinobi et le code de fer, qui est donc le code des ninjas du coin. Et donc, c'est lui qui aurait ça. Ouais. Et du coup, on va essayer aussi de récupérer la lame, la Mortal Blade, qui permet de trancher l'immortalité. Parce qu'en fait, comme il est immortel, Kuro, on a besoin d'un objet spécial pour pouvoir le blesser, vraiment. Et comme nous, on est aussi immortel, on est le seul à pouvoir dégainer cette arme. Parce que dès qu'on dégaine cette arme, il y a une malédiction qui fait qu'on meurt. Mais vu qu'on meurt deux fois, on se relève. Parce qu'en fait, les ingrédients nous permettront d'atteindre un dragon divin et l'épée va nous permettre de prélever des larmes en fait, du dragon, puisque c'est un processus compliqué, l'immortalité. La cuisine au Japon, c'est compliqué. Là, c'est vrai que le jeu... Et encore là, on est au niveau 1, tu vois. On sait qu'après, pour les options, il faut rajouter du riz, de l'estomac de serpent et compagnie, curcuma, des trucs comme ça. Et tout. Mais en tout cas, une fois qu'on a récupéré, en tout cas, la lame, le lotus et la pierre, on va se confronter à notre père. C'est pour ça qu'on en parlait, la fameuse chouette, qui lui aussi a succombé un peu au désir d'immortalité. Il a envie lui aussi de s'emparer du pouvoir de Kuro. Et à ce moment-là, nous avons le choix. Soit on va pouvoir se plier à la volonté de notre père, donc le code de fer qui stipule qu'on doit d'abord obéir à son père plutôt qu'au seigneur qu'on protège. Donc à ce moment-là, si on fait ça, on va pouvoir combattre Emma et Isshin. Et ça va être la fin Shura, puisqu'à ce moment-là, Sekiro va céder à la haine et devenir un démon qui va répandre la mort et le sang dans toute cette zone, et voilà. Il me semble que ça se dit Sith en japonais, je sais pas. Ouais, franchement, il y a un petit peu de ça, mais c'est vraiment le truc il devient un peu le démon de la haine. Et l'autre alternative, c'est de dire ton père la chouette, ton père la chouette, et de lui, de le tuer tout simplement, et donc de pouvoir continuer notre quête pour tenter de rompre le cycle. Et comme dit, les ingrédients nous permettent d'accéder au palais de la source, puisque ça respecte une cérémonie de mariage à une époque où on offrait des femmes en mariage aux dragons, et hop, on peut monter jusqu'au palais de la source, et avec la lame mortelle, on va pouvoir donc le faire pleurer sa mère la dragonne, et on récupère les larmes, on retourne à Ashina, et en fait là tout est en feu, il y a une nouvelle attaque, parce que quand le père était là, il venait avec une vague de shinobi qui attaquait déjà Ashina, et là c'est l'attaque finale puisque Isshin est mort, il a succombé à sa maladie. Et donc pour rappeler le contexte, c'est l'unification du Japon, c'est le ministre de l'intérieur qui est là pour zigouiller tous les princes locaux, prendre le pouvoir, ils attendaient probablement qu'Isshin meure pour lancer la dernière attaque. Kuro est encore aux mains de Genichiro. Enlevé une nouvelle fois. Parce que Genichiro, en fait, il fait tout ça pour protéger Ashina, simplement. Ouais, c'est ça. Et donc là, on le retrouve dans la prairie avec les fleurs blanches pour lui soutirer Kuro une fois de plus, maintenant qu'on a les ingrédients pour rompre l'immortalité. Il perd, Genichiro perd le combat, mais il a la lame noire, la lame mortelle noire. Nous, on avait la rouge. Il avait une deuxième lame de la mort. Lui, il a la lame noire. Et il s'en sert pour se sacrifier, faire revenir Isshin, mais version jeune, beaucoup version plus vénère. Quadragénaire, au summum, à son prime de son existence. Et voilà, c'est compliqué, mais. C'est con. C'est compliqué, voilà, on le dit. Les euphémismes. Et quand on arrive à le battre, on peut apporter les larmes du dragon, les mettre sur Kuro et tuer Kuro avec la lame, voilà, pour rompre ce lien d'immortalité. Ça, c'est une des fins possibles. Et on finit misérable, malheureux, un petit peu à la place du sculpteur, hein, qui lui n'est plus là parce qu'il s'est transformé en démon pendant ce temps. Mais bref, c'est nous qui allons sculpter des Bouddhas notre coin. Donc ça, c'est la fin qu'auront la majorité des gens, a priori. Oui, c'est la fin de base, en fait, si tu choisis. Bah, je pense que c'est quand même plus... Enfin, ça me semblait logique, en fait, de ne pas écouter mon père la chouette, parce que bon, à un moment, je fais « Gars, je vais quand même protéger le gosse, tu me sembles un peu sombre. » Donc je pense qu'effectivement, c'est la fin que beaucoup de gens ont, surtout que voilà, les autres fins, pour y accéder, c'est un peu plus compliqué. C'est typique From Software fashion, c'est-à-dire qu'il faut récupérer un objet en faisant ça. Il y en a une, alors je vais faire très rapidement. L'autre, en fait, bon, faut quand même écouter des discussions au bon endroit au bon moment, c'est surtout ça le truc. Et après, on pourra retourner dans une espèce de passé alternatif du domaine Hirata où en fait c'était notre père qui l'avait attaqué. Et là, on peut se battre contre notre père, mais version jeune, et là aussi, c'est compliqué. Et là, on chope un autre ingrédient, donc une fleur de cerisier, pas seulement la branche. Et donc là, c'est les larmes du dragon, la fleur de cerisier. On donne ça à Kuro et en fait c'est nous qui nous tuons et lui peut vivre, et du coup c'est une fin un petit peu plus heureuse, puisque avant bon, il y en a un qui mourait et l'autre était misérable, là il y en a un qui meurt mais l'autre a la soif de vivre, hein, tout simplement il veut vivre sa vie, voilà, l'immortalité est rompue aussi. Et on a la dernière fin où là où effectivement c'est le menu best of, où donc on peut bouter le dragon hors d'Ashina, et là il faut réunir plein d'ingrédients, faut parler à l'autre, j'en ai pas parlé parce que c'est version courte de l'histoire, mais l'autre héritier divin qui avait été créé par les moines gamine qui est cachée derrière un monde illusoire avec des singes qui sont eux-mêmes les restes des derniers enfants. Mais celle qui nous donne l'épée rouge, la lame mortelle rouge, eh bien elle, voilà, on peut lui faire manger des cœurs de serpent, ça lui fait pleurer des larmes gelées. Voilà, elle devient réceptacle de Kuro et ça fait partir le dragon vers l'ouest, puisque c'est quand même la présence du dragon qui a amené cette immortalité, qui fait que les gens du palais de la source se métamorphosaient, étaient encore plus avares qu'ils ne l'étaient déjà. Enfin bref, c'est ça qui est vraiment la source de le truc de toutes les convoitises, en fait, c'est arrivé, et finalement il y a beaucoup de populations de clans différents qui ont essayé de s'intéresser à ça et de s'accaparer ce pouvoir, et ça, voilà, ça a participé à corrompre un peu tout le monde, quoi. Et ça a amené aussi par un effet fortuit les parasites qu'on voit, les espèces de mille pattes, donc les Mukadés selon le bouquin, qui en fait se sont retrouvés dans l'eau de jouvence, sont devenus immortels, se sont déversés en fait dans la vallée et ont infesté le singe, le moine, la prêtresse, etc. C'est des vers solitaires mais qui te rendent immortel. En gros, c'est une parabole sur l'écologie et la pollution. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'en fait, in fine, la bonne fin, eh bien, c'est Sekiro qui part avec donc l'enfant réceptacle qui contient Kuro, et ils partent vers l'ouest, ça, elle est enceinte, vers la terre, eh bien, de le birthplace, donc la terre de naissance des dragons. Qu'est-ce qu'ils vont y faire? Eh bien, que se passe-t-il à l'ouest du Japon? Que se passe-t-il en Chine? Ils viennent pas jusqu'en Europe, ils viennent pas jusqu'à chez nous, le Moyen Âge et tout. Ça, je pense sympa, l'Inquisition et tout, c'est grave cool. Bah, on ne sait pas, mais c'est vrai que ça faisait partie des trucs quand le jeu est sorti. Tu vois, les suspicions d'un DLC, parce qu'il y a encore des gens qui pensent qu'il y en aura un qui sortira. On pense à vous. Et mon avis, ça va être compliqué aujourd'hui. Mais justement, c'était dit, bah tiens, vu qu'on part vers l'ouest, alors soit il y avait des gens qui disaient on pourrait avoir l'histoire de Tomoe, qui est un personnage un peu légendaire dont on entend parler, ou on pourrait se retrouver justement dans l'ouest, donc a priori la Chine. Les cow-boys. Voilà. Vraiment l'ouest jusqu'au bout. Très bien, voilà, ça c'était à peu près l'histoire de Bravo, Sekiro. Bravo, Maxime, parce que là c'était. Effectivement, c'était habile et voilà, un vrai numéro de funambule. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une histoire qui est quand même un peu plus frontale en fait que d'habitude, quand même. Elle est beaucoup plus explicite. C'est un jeu où on comprend quand même assez facilement les enjeux. On comprend que voilà, il y a plusieurs entités qui combattent. Il y a Ashina, il y a notre père, ton père la chouette, il y a encore, enfin voilà, il y a plusieurs personnes qui convoitent ce pouvoir. Alors évidemment, il y a les petites subtilités, voilà, pourquoi Isshin et Genichiro, ils se tirent dans les pattes, c'est des petites subtilités. Qui sont les gens qui attaquent Ashina et tout. Voilà. C'est vrai, quand même, ça, ils te le disent, que c'est les forces du ministère, en plus, ils sont en mots, tu les reconnais bien. Mais tu sais pas forcément qui c'est, dans quelle optique et tout, mais t'as pas besoin non plus de comprendre. Moi, je me suis dit, c'est une espèce d'état qui... Bon, tu peux te dire c'est des ennemis, de toute façon. Voilà, c'est ça, tu peux te dire ça aussi, effectivement, tu les tues. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup plus facile à suivre. Il y a un peu plus... Les cinématiques sont moins vaporeuses qu'elles le sont d'habitude. Et tu sais, les déclarations des gens sont aussi beaucoup moins énigmatiques. Il n'y a pas de... Va voir la cloche. Il y a moins de rigolade dans ces personnages. Oui, c'est pas ça. Les gens te disent quand même globalement ce qu'il faut faire, qu'il faut Emma, aller chercher typiquement, tel truc. Emma, typiquement, elle est excessivement précise. Hein. Va faire ci, va faire ça. Exactement. T'as besoin de sucre, de farine et pouf, tu peux enlever la peste du dragon. Oui, d'ailleurs, il faut vraiment enchaîner parfois des dialogues. C'est retrouve-moi en haut de l'escalier juste à côté. Va parler à Kuro qui est à l'étage d'en bas. T'as du petit. Il y a un vrai passage où quand on tue Genichiro la première fois, c'est le Lord Dump. c'est vraiment genre pendant 20 minutes, tu peux passer du temps à écouter les dialogues. En plus, il y a justement des conditions cachées à base de il faut espionner, Kuro, l'écouter, machin. Il y a vraiment d'un coup, le jeu il s'est dit ah, mais au fait, on a engagé des auteurs, il faut les faire travailler. Et il y a encore toujours évidemment cette idée de la mort. Hein. Avant, c'était Prepare to Die, maintenant c'est Shadows Die Twice. Et surtout, en fait, l'idée de l'immortalité comme un fardeau, voilà, ce truc qui corrompt, qui va corrompre en fait toute cette région, parce qu'il y a cette convoitise de vouloir s'en emparer de ce pouvoir, mais en fait, un peu dans un délire un peu de karma, voilà, si tu vas taper dans ce pouvoir-là, forcément, ça va créer des effets négatifs, voilà, la pollution avec les vers, les gens qui sont corrompus, les nobles qui commencent à se transformer un petit peu en poulpix, comme ça, donc il y a vraiment toujours un peu cette idée de la mort et de l'immortalité. D'un côté, il y a un peu le vice humain, tu vois, de se battre contre la vieillesse, de refuser ça, effectivement, de mettre des moyens mauvais, tu vois, en place pour s'approprier cette immortalité, donc comme tu as dit, qui corrompt les hommes. Après, il y a effectivement l'autre côté, comme tu disais aussi, un peu karma, où là, il y a une vision peut-être un petit peu plus bouddhiste, où il y a la peste du dragon, où quand on ressuscite trop toi, en fait, ça rend malade des gens qu'on a rencontrés, parce que je crois que ça puise un petit peu dans leur sang, enfin, il y a une idée, s'il y a une justification comme ça. Concrètement, dans le jeu, c'est un peu une mécanique. C'est un système un peu aux F, on peut passer à côté mais sans problème. Parle, voilà. Oui, parce que sinon, de toute façon, ça punirait les gens qui meurent beaucoup, donc ce serait quand même très injuste. Mais il y a quand même cette notion que mourir beaucoup, ressusciter beaucoup, rester immortel, c'est pas très bien, ça fout la merde, le monde il est pas prévu pour ça, quoi. Et on retrouve tous ces thèmes en fait qu'on avait déjà dans les jeux de From Software, c'est-à-dire qu'on a cette lutte contre sa quête soit d'immortalité, le refus de la mort, le refus de sa condition d'humain, le fait qu'on soit souvent vraiment au croisement entre la fin d'une ère, le début d'une autre, il y a l'âge du feu, l'âge des ténèbres dans les Souls, etc. Il y a également un petit côté politique, ça c'est le petit truc en plus qu'il y a dans Sekiro, avec la vision très conservatrice de Genichiro qui veut revenir à l'ancien temps, le bon vieux temps d'Ashina, qui décide de se sacrifier pour redonner vie à son grand-père, pour que tout redevienne comme avant. Mais globalement, on retrouve en fait toujours ces thèmes là c'est assez rigolo, c'est que dans les jeux Souls, au lieu d'être d'habitude dans l'Europe, là ça va se passer au Japon, mais on retrouve à peu près ces mêmes trucs là. C'est vraiment les mêmes motifs, typiquement quand on traverse le jeu, on se dit on va encore faire ça, il y a le fameux choix, etc., prolonger un truc, décider de l'arrêter, etc. Enfin, c'est vraiment cette idée de cycle en fait. C'est vraiment quelque chose là, en fait c'est ce que je me disais en réfléchissant à l'épisode, je me dis que ça y est, 10 ans après, les jeux From Software ont vraiment leurs motifs, tu vois, les grands thèmes qui les traversent. Et en fait, je pense que je vois pas Miyazaki parler d'autre chose, tu vois. C'est-à-dire que, tu sais, c'est comme, c'est comme tu lis, Dostoïevski, en fait, tu lis tous ses bouquins, il parle tout le temps de la même chose, tu vois. Et c'est pareil, Miyazaki, tu sens que c'est ces trucs-là qui le travaillent, cette idée de cycle, de faire perdurer ou non une ère. Là, il y a même ça, ce côté un peu générationnel aussi dans ce jeu-là, le côté, on doit laisser place à la nouvelle génération, ou, tu sais, c'est un peu des vieux qui se raccrochent, tu vois, c'est quand même un petit vieux qui commence aussi, il commence aussi à faiblir, donc il veut aussi s'accaparer ce pouvoir. Il y a vraiment ce truc de est-ce qu'on laisse la place aux jeunes ou pas. Il s'oppose à Isshin, tu vois, qui paradoxalement est le seigneur, tu vois, lui qui a vraiment gagné les grandes guerres, qui représente, c'est lui qui est ramené par Genichiro, donc c'est vraiment le symbole de l'apogée, tu vois, d'Ashina. Mais lui, il va aider Kuro, va aider les jeunes, et d'accord pour rompre le truc de l'immortalité et tout, parce qu'il est pas d'accord avec ses moyens en fait de revenir en arrière, justement de sacrifier les enfants. Et tu vois aussi les moines du temple Senpo, il sacrifie des enfants, tu vois, aussi cette symbolique, il kidnappe des enfants, il les sacrifie. Alors ça, c'est un truc qu'on comprend pas forcément en jeu, faut lire un peu les descriptions et tout. C'est pour ça que le bouquin de sœur d'édition, il est utile pour, parce que moi je l'avais pas vu, j'avais pas vraiment compris dans le jeu. Mais il y a toute cette notion que oui, sacrifier les enfants, c'est pas bien. Ouais. Effectivement, c'est pas bien. Non mais voilà, ce truc, il y a ces vieillards et tu sais, Isshin, tu sens qu'il est sur la fin et tu sais, c'est un personnage qui accepte un peu sa fin, tu vois, qui se dit il faut laisser la place, mais il est embêté parce que la prochaine place, Genichiro, il est pas tout à fait en accord avec. Mais tu sens qu'il bosse toujours pour son truc, parce qu'on le croise au début avec son masque de Tengu quand il se fait passer. Il est trop cool, ce passage-là. J'adore les masques comme ça de Tengu. Là. Il s'appelle... En plus, il prend un personnage, c'est le Warbringer ou un truc comme ça. Genre, c'est celui qui. Enfin, il continue à tuer des gens, tu le vois. Il les a massacrés tout le monde, genre en mode tranquille et tout. Les rats. C'est un guerrier. Il est trop stylé, Isshin. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez. La cinématique d'intro, c'est lui qui combat un général quand il était plus jeune. C'est vraiment un personnage central du jeu. Et du coup, c'est l'occasion de le dire, puisque les thèmes sont souvent les mêmes, les thèmes profonds sont les mêmes que les Souls, mais le setting n'a rien à voir, puisque les Souls, jusque-là, c'était de l'Europe médiévale, c'était vraiment la fantasy, la dark fantasy et tout. Ouais. Et là, comme on l'a dit, on est sur du Japon féodal, mais ça suinte le Japon par tous les ports, que ce soit, on l'a dit, d'un point de vue historique, c'est aussi, ça prend place, il dit Ersengoku, c'est dans le prologue, il place quand même, temporairement dans notre univers, et politique, comme on l'a dit, là, les ennemis sont identifiés, le ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui a vraiment existé, les châteaux architecturalement, donc le bouquin le dit, le château Ashina peut faire penser au château Himeji, qui était ce genre de ce qui se faisait. Ça a toujours été, en fait, aussi, ils sont toujours inspirés, parce que c'est vrai que Anor Londo, qui reprend à la fois les escaliers du château de Chambord en France, et le château de je sais plus quoi à Milan, enfin, bref, ils sont toujours aussi nourris de l'architecture. De toute façon, les références, quand tu crées un truc, c'est normal, tu vas t'appuyer sûr, sur des photos, des machins, et là, comme ils voulaient justement redonner vie à cette ère du Japon qui est très, très représenté, que ce soit dans le manga ou dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de choses, on en reparlera juste après. C'est vrai que du coup, forcément, ils vont se servir de temples ou de châteaux qui existent encore, puisque il y a quand même certains endroits du Japon qui n'ont pas été trop touchés par l'urbanisation. Mm. Non, clairement, vous tapez château Himeji dans Google, ça ressemble pas mal, et ça a l'air, ça tient encore debout. Et donc il y a encore dans le folklore aussi, on va revenir un petit peu plus en détail là-dessus plus tard, mais tout ce qui est les shinobi, face aux guerriers samouraïs, il y a beaucoup de bouddhisme, toutes ces influences on le voit dans les statues de la vallée et tout, ou les moines du temple Senpo, il y a plein d'imageries comme ça avec les divinités, tous les esprits qu'on peut trouver, ou comme dit les parasites, les espèces de vers, les munkade, ça aussi ça fait partie du folklore japonais, donc on est bien loin de tout ce qu'on avait vu jusque là. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avant tous ces trucs là de bouddhisme, en fait ils étaient déjà un peu là dans les Souls, mais ils étaient cachés, derrière le truc, alors que là c'est complètement explicite, il y a vraiment des statues de Bouddha, quand on est dans la vallée là avant d'aller voir le singe, il y a ces grandes statues et tout, donc là on a l'impression que c'est FromSoft qui vraiment lit complètement le fond de leur philosophie et tout, qui est probablement la leur, puisque c'est des gens que ils sont japonais, et du coup forcément ça match encore plus ce setting japonais, et pour nous occidentaux c'est vrai que c'est cool en fait, parce que forcément on aime bien voir ça, et c'est chouette d'avoir bien la vision vraiment de ce truc, de tout ce folklore japonais par FromSoftware, qui va évidemment lui appliquer tout son filtre horrifique, twist, fantastique, qui va justement prendre les motifs et en faire des trucs particuliers. Le grand serpent, les moukadés, comme tu disais, le singe, la fleur de lotus, Il y a vraiment tout un tas de choses, et la fin du jeu, ça part complètement en grand délire avec le village de la source, le grand dragon qu'on va combattre. Ça vrille complet. Ouais. Quoi. Le truc de paille qui t'emmène. Le strawman. J'ai oublié un petit peu ce que c'est, mais petit bonhomme aussi, en mousse, en français, Saut Patrick Sébastien. Et dans les influences, on a encore aussi c'est génial. on a des références littéraires japonaises aussi. Donc ça, je l'ai lu dans le bouquin. Nous avons les bouquins de Futaro Yamada qui a écrit les manuscrits ninja de Koga et qui a été adapté en manga sous le nom de Basilisk, que je connais que de nom. Est-ce que tu as lu un petit peu, toi, Benoît ? J'ai lu Basilisk. Ça fait partie. Tu sais, c'est comme les Ninja Scroll, etc. Des trucs assez classiques de l'anime japonaise, des mangas plutôt. Puis il y a aussi le manga L'habitant de l'infini de Hiroaki Samura, où nous avons donc un Ronin qui est condamné à l'immortalité. Ça vous dit peut-être quelque chose, causé par un ver dans son corps qui le soigne. C'était une imagerie. Ça dit quelque chose quand on lit ça comme ça. C'est du bouillon culturel. Qui ressort. En plus, ça, c'est vrai que c'était assez rigolo, parce que le coup du ver, quand j'ai joué au jeu, vu que j'ai lu, Les Habitants de l'infini, c'est assez marrant de se dire mais en fait. Je me suis dit, tiens, ça doit être un truc de leur folklore à eux, que nous, on n'a pas, on ne connaît pas forcément, mais qui, eux, leur parlent, parce que c'est quasiment... Alors, il y a beaucoup de nuances, mais on retrouve beaucoup de motifs dans L'habitant de l'infini, sur le changement de génération, le côté conservateur versus moderne, etc. Ça ne se passe pas à la même époque, mais on retrouve aussi des enjeux un peu similaires. De toute façon, il aime les mangas. Berserk, ça vous dit quelque chose ? Mais comme dit, je pense que c'est une thématique qui est effectivement très japonaise. En tout cas, c'est quelque chose, je me souviens, qu'on retrouve aussi beaucoup dans Naruto. Par exemple, ce côté nouvelle génération qui va devoir changer un petit peu les erreurs commises par la vieille génération. Et tu as ce paradoxe où, à la fois, on vénère littéralement, tu vois, des vieilles personnes ou d'anciens grands ninjas ou même des artefacts, des objets, tu vois, qui sont centenaires, voire millénaires. Et c'est pour ça qu'on les fait revenir, tu vois, c'est incroyable et tout. Mais à côté de ça, c'est les jeunes qui vont devoir faire bouger le tout. Donc, tu vois, il y a aussi ça qui se retrouve. Naruto revient beaucoup dans cette émission. que se passe-t-il ? C'est vrai, c'est la deuxième fois. Ça, c'est, oui. Voilà, donc ça, c'est un petit peu à peu près tout. Et puisqu'on parle de Naruto, bah, on peut parler vraiment de cette figure, justement, du ninja qui, en fait, a été pas inventée toute pièce, mais presque loin, en fait, quoi. Ouais, bah du coup, là, d'ailleurs, quand il y a eu à la fois Nioh et Ghost of Tsushima qui est sorti, il y a eu quelques discours qui sont sortis sur le net sur une. Qui nous expliquait qu'en fait, toute cette vision très romantique, très fantasmée du Japon féodal, c'est presque des volontés de certains auteurs, à la fois asiatiques et occidentaux, qui ont traduit des trucs, qui ont en fait un peu interprété certaines histoires. Parce que dans les faits, bon, les samouraïs et les ninjas, ça, probablement, comme on le disait, les ninjas devaient exister, mais à mon avis, ils ne devaient pas courir sur l'eau, peut-être qu'ils ne couraient pas avec les bras comme ça en arrière. Ouais, est-ce qu'ils se transformaient en petits rondins de bois quand ils se prenaient des attaques, je ne sais pas. C'est pas sûr. Mais c'est vrai qu'il y a eu toute cette le personnage du ninja, particulièrement dans les années 80, dans le cinéma d'action et de série B et nanar, est devenu une figure très très prédominante, un peu comme les cow-boys, les pirates. C'est des trucs qu'on croit souvent dans les jeux vidéo et même en général dans la culture populaire. Et de ce que j'ai compris, c'est encore que le ninja, c'est encore moins concret, parce que effectivement, tout ce qui va être, je sais pas, chevalier, cow-boy, samouraï, pirate, il y a quelque chose de base, tu vois, qui a vraiment existé et tout, mais qui est parti dans l'imagerie populaire, dans les choses on a créé vraiment de la fiction, de l'imagerie, des accessoires, enfin le pirate pipé jambes de bois, le petit perroquet et tout, les pirates n'étaient pas comme ça, qui a un bandeau les cheveux, qui va chercher des trésors, non c'est pas vraiment ce que faisaient les pirates. Ou tu vois le samouraï, vraiment le code de l'honneur vachement et tout, tu dis non, ça aussi ça a été vachement exagéré, et c'est même, enfin le côté bushido et tout, je crois c'est une invention du 19e siècle, enfin un truc aussi très romancé en fait. C'est assez compliqué, parce que moi je suis pas du tout expert en politique japonaise. De ce que j'en ai compris, c'est que c'est quand même une espèce de relecture de l'histoire assez conservatrice. Donc c'est une vision de leur histoire qui est plutôt côté droit de l'échiquier politique et qui peut être rejetée par certaines personnes. On avait déjà parlé dans Red Dead Redemption 2 du cowboy, tu vois, où le cowboy à la base c'est quelqu'un qui s'occupe du bétail, tu vois, qui s'occupe de juste faire passer les vaches d'un point à un point. C'est pas des gens B. qui tirent plus vite que leur ombre. Le mythe du gunslinger ça, solo, coucher de soleil. Bon bah voilà, ça c'est le cinéma qui a créé cette imagerie. Et les ninjas, c'est un peu pareil. Et encore, enfin, de ce que j'ai un petit peu compris du bouquin, il y avait encore moins de concret, tu vois, pour les ninjas, où, oui, des assassins, des espions, oui, toutes les guerres en ont eu, tu vois, mais a priori, alors il se base sur les travaux d'un historien dont j'ai oublié le nom, et qui dit globalement, il n'y a aucune source concrète pour dire qu'il y a vraiment eu un village d'espions, des gens vraiment, tu vois, hyper perfectionnés. Habillés en noir, qui lançaient des shurikens, qui avaient des grappins, des machins. C'est que dans le jeu vidéo et dans le cinéma, il y a une espèce de. Tu sais, c'est un power trip, quoi. C'est vraiment un délire qu'on donne aux gens qui veulent jouer, qui est super intéressant, parce que c'est des personnages qui ont des pouvoirs un peu magiques, qui peuvent se rendre invisibles, qui peuvent se téléporter, qui peuvent utiliser des grappins, faire des doubles sauts, ils ont des shurikens, ils ont des épées. Tu vois, il y avait la série des Shinobi, des Ninja Gaiden qui a commencé sur NES. Il y avait Shadow Dancer avec la version où tu avais un chien carrément que tu pouvais envoyer. Et le ninja, tu vois, je regardais un peu pendant la préparation, c'est un perso qu'on croise dans presque tous les jeux de baston. T'as un fucking ninja qui est là à un moment donné. Alors Yoshimitsu, c'est pas vraiment un ninja, il est plutôt délire samouraï. Mais tu vas effectivement avoir ce personnage là qui va revenir régulièrement, c'est un trope du jeu vidéo et de la culture populaire en général. Et il est super à opposer justement à l'image encore qu'on se fait du samouraï, parce qu'il y en a un, ça va être voilà l'honneur et tout, je me bats à la loyale, je me tue si j'ai été disrespect, si j'ai plus d'honneur, et l'autre c'est tous les moyens sont bons pour gagner, donc il y a une opposition derrière, on t'égorge, on passe à travers les petits tapisseries là, tu sais, on se clone littéralement. Bah, évidemment, ça c'est connu Et plein d'outils ingénieux qui seraient jugés un déshonneur, tu vois, pour l'autre, donc narration. Narrativement, ça marche super bien en fait, la confrontation des deux. Et du coup, comme on le disait, ça c'est un peu Tenchu et tout, et du coup, c'est ce qu'ils vont reprendre un peu au début. Et on pourrait croire que justement, c'est un petit peu un jeu de ninja, puisque vraiment, comme je le disais, ce tuto, il va vraiment nous initier à de l'infiltration qui est vraiment très triple A-esque. Hein. C'est-à-dire, il y a des petites herbes, on se faufile à l'intérieur, ensuite on voit un petit ennemi qui se déplace, ça y est, il fait sa ronde, ça y est, il regarde dans le vide devant lui, c'est le moment d'aller derrière et de le planter par derrière, et voilà, on fait toute une petite phase d'infiltration, et on pourrait se dire Sekiro, ça va être un jeu comme ça. Il y a même des petits sucres qui nous permettent d'être un peu plus discret, il y a des techniques au-dessus, en dessous d'un arbre, sur les rebords on peut faire des assassinats, des assassinats vraiment du jeu vidéo en fait, hein. Je peux pas dire mieux, bref, c'est vraiment ces trucs-là du triple A. Mais en fait, bah, c'est quand même très très léger, hein. Déjà, c'est pas très très intéressant, il faut le dire, parce que, bah, encore une fois, c'est de l'infiltration source AAA, donc c'est en fait un truc un peu... C'est calibré comme ça, mais bon, voilà, c'est pas fascinant, quoi. On se l'était dit, tu te cales 15 minutes pour dire, bon, c'est quoi les mécaniques d'un jeu d'infiltration. A priori, t'as eu toutes les idées d'infiltration que Sekiro, il a, tu vois, il y a aucune innovation côté infiltration. Tenchu, il avait déjà, a priori, les trois quarts de... Oui, 20 ans plus tôt, tout était déjà là, ouais. Et surtout, ben, une fois ce tuto passé, l'infiltration, on peut presque l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a quelques passages où on peut la jouer un peu discret, parce que ça va nous faciliter la vie d'une certaine manière, mais globalement on va rentrer dans le vif du sujet qui est le combat. C'est-à-dire que vraiment il y a le tuto, Kuro il dit voici ton sabre, et là t'as le jeu qui fait. Tu te souviens du tuto ? Oublie. Maintenant il y a un nouveau tuto, c'est tu contres et tu tais. Voilà. Et c'est vraiment, et là vraiment on rentre dans le ton père la chouette. ton père la chouette, exactement. Ton père la chouette, tu contres et tu tais. Et du coup bah là c'est vraiment, et c'est là d'ailleurs bah que Sekiro va vraiment briller. C'est avec tout ce système de combat qui est basé donc sur à la fois le blocage, la parade et tout un ensemble de contres qui vont nous permettre de répondre aux attaques des ennemis avec beaucoup quand même d'ennemis avec des épées, hein, même s'il n'y a pas que ça, mais c'est quand même beaucoup des trucs comme ça. Tous les boss aussi, hein, c'est un jeu où il y a beaucoup de boss. Il y a aussi des mini-boss. Enfin, il y en a vraiment tout le temps. De toute façon, ouais, comme le jeu, en plus, on se déplace très vite. On a l'impression qu'on les enchaîne. Tu sais, il y a l'enchaînement avec le catcheur, là, le géant aux yeux rouges. Juste derrière, il y a le samouraï, là. Ensuite, il y a le serpent. Ouais. Ensuite, il y a Gyobu. Ensuite, il y a le taureau. Et tu sais, tu en fais genre, mais ça fait 5 que je fais d'affilée. Et à chaque fois, je fais 100 mètres et j'ai un boss. Laisse-moi respirer. Effectivement. Donc c'est vrai que vraiment le combat va être au cœur du jeu, et surtout ce qui est au cœur de ce système de combat, c'est cette mécanique un peu signature qui est la barre de posture. En fait, le jeu, il y a deux barres, il y a la jauge de vie, qui est une jauge de vie à peu près traditionnelle, et puis il y a une autre barre qui s'appelle la barre de posture, qui elle, au lieu de se vider, eh bien elle se remplit au fur et à mesure qu'on encaisse des coups, et l'idée en fait c'est soit de vider la barre de vie, soit de remplir la barre de posture des ennemis pour leur asséner ce coup final qui est une sorte de death blow comme ça, un coup de la mort, sachant que les boss en général ils en ont 2 voire 3 voire 4 pour les plus énervés d'entre eux. Et il y a une relation entre la barre de vie et la barre de posture, puisque certains boss ont une barre de posture qui se régénère vite, et moins ils ont de vie, moins elle se régénère vite, et quand tu fais des dégâts de vie en général tu mets un peu de posture aussi en même temps. Voilà. Ouais, en fait, l'idée, c'est que plus un boss aura une barre de vie qui est faible, eh bien, plus sa posture se régénérera, c'est-à-dire rétrécira moins vite, effectivement, et ce qui permettra du coup de vraiment le saturer, encore une fois, de le déstabiliser et de faire ce fameux. Sachant qu'on peut souligner que quand on a mis un ennemi à 0 point de vie, il n'est pas mort. C'est vraiment la petite nuance qui est quand même assez fondamentale, c'est que du coup il faut asséner ce coup final, sinon le personnage ne meurt pas. Et du coup, tu l'as déjà mentionné, mais pour remplir la barre de posture, donc soit on leur fait des dégâts, ou on les tape mais ils nous bloquent, mais en général ça leur met un petit peu de dégâts de posture quand même, ou on part les coups. Donc là c'est comme ça a déjà été évoqué, mais un jeu de timing, hein, il va falloir bien appuyer sur le bouton défense au moment où on se prend le coup, mais ça marche pas avec évidemment tout, puisque va y avoir aussi ces fameux kanji, je sais même pas ce qu'ils écrivent, peut-être danger ou attention, je sais plus. Je connais le bruit par cœur, le petit ça, mais je connais pas ce qu'il dit, je sais juste que c'est pas bon. Et il t'apprend que du coup ça peut être soit des coups d'estoc qu'on peut dévier au début, qu'on peut vraiment parer, mais on apprendra plus tard que le mikiri, c'est ce qu'il y a de plus utile, hein, c'est courir vers lui et monter sur la lame et lui mettre beaucoup de pression. Qu'est-ce que c'est cool. Le move plus classe du jeu vidéo. Un des moves signature aussi du jeu. Tout à fait. Qui est beaucoup plus large aussi en termes de fenêtre, entre le moment où t'avances et le moment où tu peux lui caler ça, c'est beaucoup plus long que le moment juste où tu peux le dévier. Ils ont aussi des coups de balayage, hein, ils vont faire une attaque, une sweeping attack en anglais, où il va falloir sauter pour passer au-dessus, et on peut même leur foutre un petit coup de taloche sur la tête. En si on ratterrit sur leur tête et qu'on réappuie sur croix ou le A bien sûr, hop, ça leur fait un coup, et là ça va leur infliger de la posture aussi vraiment de manière significative. Il y a pas le kanji, mais il y a quand même certains coups designés aussi pour qu'on les esquive et qu'on leur mette un coup juste après. Typiquement, ils vont sauter dans les airs et faire une attaque plantée dans le sol. Là, faut hop, petite esquive de côté et leur mettre un coup. Mais le dernier kanji, c'est les saisies, donc c'est vraiment les chopes, hein, quand ils vont nous attraper et en général nous faire les trois quarts de la barre de vie en dégâts. Et alors ça, théoriquement, selon le jeu, il suffit d'esquiver aussi, sauf que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas très lisible, en fait. Les chopes du jeu sont craqués du slip. Je pense que la rencontre avec l'ogre, on a eu tous les mêmes... Enfin, vraiment, quand le jeu sort, je me souviens, sur Twitter, l'ogre, c'était vraiment... Tu voyais les gens qui mettraient vraiment, tu sais, grâce aux fonctionnalités de partage, vraiment, des consoles. Maintenant, on voyait donc l'ogre qui faisait ses grands pinces de crabe. Et là, il te ramenait tout. Il fait des virages limite sur lui-même à 90 degrés. Oui. Et il te chope. Je m'étais amusé à le filmer où vraiment, on le croise deux fois, l'ogre. Donc, on le retrouve une fois, il est prisonnier à la fin du jeu quand il est attaqué. Et vraiment, dans une frame, il part dans une direction. À l'autre frame, il a tourné 90 en l'air. Naruto rentre chez toi et il me chope. Non, mais... Et en plus, derrière, comme tu l'as dit, il t'arrache ta barre de vie. C'est vraiment l'ogre, quand tu le croises la première fois, il te tue. Et au pire, il peut même te jeter dans le vide. Il peut te jeter dans le vide, c'est ça. Et il est vraiment fun comme gars, parce que c'est un catcheur. Donc, il fait les sauts avec les pieds en avant, il fait les chops. C'est l'humour From Software, voilà. C'est l'humour qui passe par des attaques qui te mettent des grosses taloches. Mais c'est vrai que les chops, on peut penser évidemment au singe gardien aussi, qu'on a une qui est bien vénère. Ah oui, quand il se met à rouler vers toi, là. Oui, voilà. En fait, lui, il faut repérer avant le kanji, parce qu'il fait une petite danse. Sinon, c'est trop tard. Moi, je réagissais au kanji, je faisais, j'arrive pas en fait. Mais j'arrive pas, et c'est pas esquiver, c'est à partir en courant, sauter derrière, c'était non plus, ça marchait pas. Et même, j'ai vu, pour m'amuser, je regardais un petit peu les guides justement de Benoît, et Benoît qui explique, c'est très simple, il suffit de l'esquiver comme ça, on saute, donc il fait une fois, deux fois, et après, non, le singe le chope quand même, parce que, il m'a eu deux fois quand même, parce que vraiment, c'est vrai que les fenêtres de chope dans le jeu, c'est le pire truc, elles sont vraiment pas faciles à esquiver. Et puis surtout, c'est un jeu qui est d'une vitesse aussi quand même. D'exécution, ça va quand même assez vite, il faut le savoir. C'est vraiment la grosse différence par rapport au Souls. Pour moi, on est toujours dans cette idée de, il faut réagir à ce que le personnage en face est en train de faire, mais là on a un temps de réaction, c'est le code de la route, quoi. C'est vraiment genre, il faut appuyer sur le frein instantanément, parce que sinon tu te prends un mur. Normalement, sur le code de la route, on anticipe un petit peu plus. Tu vérifies ton rétroviseur, s'il te plaît, Benoît. Oui, merci. Non, mais par contre, ce qui est intéressant quand même sur tout ce système de combat, c'est que du coup, il y a plusieurs niveaux en fait de maîtrise. Bon, il y a le niveau 0, tu t'en prends plein la tronche. Il y a le niveau où on arrive à peu près à... Il y a le niveau même, allez, on va dire 0,5, où tu bloques mais tu ne pars pas, c'est-à-dire que tu prends quand même des coups de posture et tu vas pas en infliger à l'adversaire. Et ensuite, il y a vraiment le niveau où là, tu vas pouvoir vraiment réagir à toutes les attaques qu'on te fait, c'est-à-dire, soit en... C'est quoi le bon mot? Soit parer, soit dévier. Dévier, c'est-à-dire appuyer vraiment au bon moment sur la gâchette pour pouvoir renvoyer le coup, entre guillemets. Un petit flash orange. Voilà, il y a un petit flash signature, soit faire des mikiri, soit faire des sauts quand il faut faire, soit se casser quand il faut le faire. Et puis il y a en fait l'autre niveau qui est d'infliger soi-même des dégâts, en fait d'imposer son propre rythme à l'adversaire via les coups que tu vas placer en fait entre ces patterns. Et en fait l'idée, ça va vraiment pour gagner de c'est ce que j'avais dit dans la vidéo, de saturer un peu le combat, c'est-à-dire à la fois de faire toutes les bonnes techniques de défense et de faire aussi les bonnes techniques d'attaque pour vraiment aller assez vite en fait. C'est ça l'objectif, c'est qu'il faut monter la barre posture et il faut chercher l'intensité pour vraiment la saturer, la remplir, quoi. Et parfois tu peux même provoquer quelque chose chez l'ennemi en fonction de leur pattern. C'est que tu sais que si tu les tapes deux fois de suite, ils vont te bloquer deux fois de suite, mais qu'après ils se laissent pas forcément taper tout le temps, parce que sinon tu remplis leur barre de posture et le jeu se répétait. Mais tu sais que la troisième fois il va te faire telle attaque ou telle attaque, et si t'es réactif, hop, tu vas savoir quoi dévier, ce qu'il va faire exactement, et donc tu finis par apprendre leur réaction à tes propres attaques. Et parfois, comme on le dit souvent, la meilleure défense c'est l'attaque, en tout cas la meilleure préparation, la meilleure anticipation de leur attaque, ça va être toi de les attaquer. Y a typiquement dans ces trucs là alors Genichiro c'est le meilleur pour faire ça, pour le tenter, mais même la Dame Papillon, Dame Papillon, c'est vraiment une bonne institutrice, tu fais tap tap et ensuite elle fait son coup de pied retourné que tu contres et tu retapes, refait son coup de pied retourné, et tu peux lui faire ça pendant une minute et tu lui montes sa petite barre tranquillou. Il y a, de toute façon, pour moi le Gyobu et la Dame Papillon, c'est vraiment les premiers checks du jeu. Genre, est-ce que t'as compris comment ça fonctionne? Et ça peut être non plein de fois, c'est ça, parce qu'en fait il y a, même pour quelqu'un qui vient des Souls, en fait, dans les Souls, il y a ce fameux truc de tourner dans le sens. Alors, c'est dans l'aiguille d'une montre ou toi à l'opposé? Ça dépend des ennemis. Mais en général, c'est la bonne attitude à avoir dans les Souls, c'est cette idée de loquer et de tourner en rond. Là, dans Sekiro, c'est vraiment, ça ne sert à rien. Il n'y a quasiment aucun ennemi qui se combat comme ça. Il faut vraiment plutôt... Le singe, éventuellement, c'est pas mal de courir. Ouais, mais voilà, mais de courir, mais tu vois, tu vas pas essayer de d'être autour de lui. Et tu sais, je me souviens comme dans Bloodborne, les fameuses pattes de bête qui font un gros coup devant, et l'idée c'est d'esquiver à l'intérieur du coup pour en fait profiter de ta frame. Il y a quelques coups, tu vois, je me souviens d'un enchaînement de la chouette quand on le combat la première fois où vraiment tu prends le premier coup et tu bloques et tu passes. En fait, tu pars le premier coup, et tu passes sous son bras, et du coup, ça permet de péter son truc. Mais sinon, c'est dans mes guides, c'est un truc que je disais, c'est un jeu où on peut être très statique, c'est-à-dire qu'on attend que l'ennemi vienne sur nous et on va juste se déplacer sur une ligne, on va vers lui ou il vient vers nous, c'est tout. Et il faut bien comprendre que tous les coups où il n'y a pas de kanji, on peut les parer, on peut les dévier ou on peut se défendre, et ça c'est pas forcément instinctif dans le jeu non plus. Bah, typiquement le singe qui te fout des grosses tatanes, tu peux croire que voilà, comme t'es tout frêle et tout, bah tu pourras pas tenir le coup. Moi c'était les balles, alors c'est rigolo parce que toi tu trouvais que c'était logique entre guillemets. Dans le jeu vidéo, pour moi couper des balles c'est la base. Moi c'est la base. Enfin, t'es coupé la balle en deux, pour moi c'est obligé, et s'il faisait pas ça j'aurais été déçu. Bah, du coup, il peut le faire. Et c'est vrai que moi, il y a eu plein de trucs. Je sais que, par exemple, le grand coup de pied sauté de l'ogre au début, j'ai mis très longtemps à me dire que je pouvais le bloquer. Ah, ça, on peut parer. Mais c'est ça qui est fou. Qu'est-ce que tu pars des pieds ? S'il n'y a pas de kanji, tu pars. Le caca de singe, alors j'ai pas essayé de le parer, mais tu peux au moins te défendre. Alors que c'est un truc énorme car il a une vitesse, laisse tomber. Cette animation quand il saute et quand c'est génial. Pendant qu'on y est, il faut quand même qu'on en parle de ça. Quel génie. Moi, j'avoue que la première fois que je le vois jeter mon caca, je fais. En fait, je trouve que c'est le Souls où j'ai le plus rigolé avec eux, tu vois. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils font des vannes, tu vois. Et le singe, pour moi, c'est une blague continue. Il t'envoie son caca, il pète, tu le coupes la tête, et il revient. Exécution de Shinobi, en fait. Non, il se relève et il se bat sans sa tête. Mais ce combat, s'il n'était pas hardcore, ça, parce que c'est vraiment un des combats difficiles du jeu, il est hilarant. Je le trouve vraiment trop drôle. Et en fait, j'adore en fait comme il joue avec nos attentes, nos conceptions. Tu vois, on se dit, ah, ça va, il avait qu'une barre de vie. Non, il a pas. Non, t'inquiète, il y a une deuxième phase. Et là, ce que j'ai découvert aussi, et qui était drôle donc à ma deuxième run, c'est que en général, donc son pattern, c'est il te pète dessus, et après il part en courant, et après il va te jeter le caca. Et moi, avant, je faisais pas ma. C'est des jeux très sérieux. Hein. Oui, From Software, vision d'auteur, s'il vous plaît. Et en fait, quand il te pète dessus, il te monte ta barre de poison, va très vite, donc faut faire gaffe, et c'est pas rare que ça monte au moins jusqu'à la moitié, tu vois. Et en fait, si t'es en train de te défendre et contre le caca, ouais, là, ça peut te remplir à fond la barre de poison. Suite au caca que tu t'es pris. En fait, c'est pensé, tu vois. Ils ont pensé. Évidemment. Et c'est ça, c'est qu'il y a une blague, mais derrière, il y a un système. Et puis, il y a surtout une maîtrise. Parce que, alors, les boss de Sekiro, en termes d'animation et de logique et de ce qu'ils font, c'est incroyable. C'est ça qui est cool, notamment. Enfin, j'ai quand même senti une petite différence, que là, j'ai joué sur PS5. Il y a eu une amélioration depuis la dernière fois, mais c'était en 60 FPS. Et tu peux te permettre des réflexes aussi, où tu vas peut-être mieux voir le positionnement des mains. Typiquement, parfois, t'as un kanji, tu sais pas si ça va être coup d'estoc ou balayage. Ça peut être l'un des deux. Je crois que c'est la religieuse corrompue. Il me semble qu'elle a les deux, tu vois, possible en kanji, mais il suffit de voir bien le positionnement et là tu vas pouvoir t'adapter à ça. Donc il y a quand même une observation, je trouve, qui est assez récompensée. Bah, même avec Genichiro, je me souviens à la fin, il a un coup, justement, est-ce que c'est un estoc ou est-ce que c'est un balayage. Il faut bien voir comment il se positionne, c'est-à-dire que tu sais, il va un peu pivoter sur lui-même au niveau des hanches pour préparer un balayage, et c'est logique qu'il y a quelque chose de circulaire. Et à l'inverse, l'estoc, il va reculer en arrière et ça va pointer. Et là, vraiment, c'est là que je trouve que Sekiro montre encore une fois le niveau de maîtrise de From Software sur l'animation des boss. C'est incroyable. C'est de l'art quand même à ce niveau-là, le truc de télégrapher toutes les attaques, de pouvoir vraiment lire. Et vraiment, moi, le boss, le singe, mais je le trouve, mais c'est une petite œuvre d'art, je trouve, sa manière de se mouvoir et tout. Ah, mais moi, là, son saut qu'on le voit limite au ralenti quand il se retourne pour jeter ton caca, il fait son espèce de shoryuken avec son caca. C'est tellement beau. Moi, je trouve ça incroyable. Oui, et puis même, il a une bestialité, tu sais, quand il tape. Et ensuite, quand il se bat, tu sais, en mode puppet master, là, marionnettiste, on dirait qu'il est bourré, qui bouge, c'est incroyable. Mais il serpente vraiment et tout. Il a un coup, comme tu dis, on le fait à la main et tout, là, avec le corps, mais on est en train de se dandiner. On est en train de dandiner comme lui, effectivement. Et puis, Isshin, masterclass. Quel combat éprouvant. Et ce que je trouve incroyable, c'est que, tu sais, moi j'ai beaucoup suivi le compte Twitter de quelqu'un qui s'appelle Sun E Legend, qui fait des gifs et qui montre vraiment le souci du détail incroyable. Alors, moi, j'ai pratiqué du sabre, je suis un nerd, donc j'ai fait du katana dans ma jeunesse, et vraiment, il y a tous les mouvements où il va vraiment reculer la hanche pour pouvoir sortir, parce que le katana est trop long, tu peux pas le sortir de son fourreau, sinon quoi que ce soit, il va vraiment le bouger, il va le retourner, enfin, il y a des tout petits mouvements que tu ne vois jamais, mais qui sont là, et tu ne peux les deviner que quand tu regardes le jeu au ralenti, quoi. Et par contre, ça permet vraiment d'avoir un truc, il y a une esthétique des déplacements qui est incroyable. Ouais, et du coup, toujours Isshin, dès qu'il sort sa lance, violence et tout. Enfin, c'est... Et même sa version choix, Ishin, ouais, ouais, ouais, ouais, où juste où il fait son feu, là. Il est claqué, papy, il est bien réveillé. Et bon, c'est le moment un peu rabat-joie, je suis désolé, on parlait, voilà, le système de combat est super, mais niveau tuto, et ben tout n'est pas forcément très bien expliqué au bon moment. Bon, un des pires moments, c'est quand même quand on apprend à gérer la foudre. Ouais. Donc là, il faut donc sauter. En plus, ça dit genre L1, R1 quand on est dans les airs. Enfin, ok, il y a un petit pop-up qui apparaît une fois, juste avant Genichiro, hein, c'est placé avant le combat de boss. Sauf que, alors déjà, ce tu pop-up. Tu lis un parchemin. Voilà, tu lis un. Ouais, déjà, il faut penser à aller au parchemin derrière le boss que tu viens de tuer. Et encore, le parchemin, alors, c'est même pas ce qui est écrit, parce que t'as le pop-up qui apparaît au moment où tu lis le parchemin qui dit autre chose, je sais même plus ce qu'il dit. Qui parle de la foudre, j'imagine. Oui, ouais, mais, en fait, il y aura des attaques de foudre, Mais qui te dit pas quoi faire. Et le pop-up apparaît donc extra-diégétiquement devant toi. Et ensuite, tu te bats contre Genichiro. Il y a moyen que tu vois pas la foudre avant un petit moment, puisque c'est quand même sa troisième phase, si j'ai pas de bêtises. Oui. En fait, il a deux points de vie et une troisième phase cachée. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, tu peux mourir 5, 10, 50 fois avant de voir la foudre, mais le pop-up, il reviendra pas. Donc, si t'as oublié déjà les boutons, bon, t'es mort. Mais il y avait aussi, il y a quand même une subtilité, c'est que donc faut sauter, faire L1 pour réceptionner la foudre et R1 pour la relâcher avant de toucher le sol. Il faut faire L1? Non, t'as juste à sauter. Vraiment, moi je me souviens, tu sautes comme un gland, genre je prends l'électricité et après tu t'appuies. En fait, comme t'es pas relié au sol, la foudre elle te traverse pas, donc t'as pas besoin de parer. Mais je pensais qu'il y a le côté, tu le prends dans le sabre et tout. Tout ton corps le réceptionne. Je pensais que c'était L1 pour faire paratonner. Par contre, je fais toujours L1. C'est-à-dire que tu vois, par réflexe, c'est cette idée de dans le loot, je le fais, mais en fait t'as pas besoin. Parce que parfois tu te prends des coups, donc il y a aussi ce réflexe. Mais il faut faire R1 avant de tomber sur le sol. Bon, c'est une subtilité qui a quand même son importance, et ce pop-up, bah non, c'est nul. Enfin, en fait, moi je me souviens, pendant le combat de Genichiro, je me souvenais du pop-up, mais je me souvenais plus ce qu'il fallait faire concrètement, j'ai vraiment compris Ishin, donc parce que Ishin il a vraiment encore ça, et en fait au moment où je l'ai battu, je suis arrivé à le faire, parce que là, bah évidemment, alors quand tu renvoies ça, alors là la récompense elle est ultime, hein, barre de vie, en deux secondes tu le peux le revoir avant Ishin, parce que t'as le dragon faut envoyer la foudre, et là t'es obligé. Oui, c'est vrai qu'il t'a les initiés de joueurs de foot, là aussi qui envoie de la foudre. Tu sais, c'est les Shaolin Soccer, ils t'envoient des ballons à 10 km/h. Il y en a avec ballon, il y en a sans ballon, je crois qu'il y a des versions sans ballon de la foudre. Ouais, mais c'est vrai, j'avais oublié, du coup, oui, c'est vrai, le dragon quand même va quand même être make sure, tu vois, que tu as quand même bien compris que ça c'était possible, et du coup c'est vrai que je m'en servais contre Ishin, et en fait, c'est quand tu sais faire, c'est vraiment très très simple, et le payoff, enfin la récompense par rapport au risque, il est quand même très très bon, parce que tu fais vraiment très très mal, mais c'est vrai que, il y a ce petit pop-up, moi il y a ce pop-up aussi, tu vois, l'idée qu'on pouvait en fait bien dévier les attaques des stocks, on peut les dévier, moi je pensais que c'était vraiment que le Mikiré, tu vois, et dans le jeu, j'ai joué, j'ai jamais dévié la frame en plus elle est plus petite, c'est-à-dire que la fenêtre est plus courte pour les attaques des stocks, et en fait c'est juste une question de caméra, c'est-à-dire que vu que c'est une attaque des stocks, ça va dans ton personnage, donc en fait il y a un moment où l'arme de ton perso elle est cachée de l'ennemi est cachée par ton visage, donc le timing est pas forcément évident, il faut le sentir, quoi. Alors que le Mikiri, c'est vraiment t'appuies sur la rond fenêtre, et tu accueilles la lame sous tes pieds. Mais comme dit, c'est que en plus t'as trois kanji, t'as la saisie qu'il faut esquiver, mais déjà t'en as une, c'est le balayage, l'autre c'est les stocks, il y en a un qui se part et pas l'autre, tu vois, donc c'est aussi un peu contre-intuitif. Ouais, c'est vrai, tout ça c'est pas parfait, et puis il y avait aussi, tu vois, le fait que tu m'expliquais que pour regagner de la posture il fallait rester appuyé sur paré. Moi ça j'ai pas joué au jeu avec ça, tu vois, pour moi j'étais dans mon réflexion des souls en mode pour régénérer mon endurance il faut que je baisse le bouclier, et du coup moi je baissais mon arme en disant c'est l'inverse, donc j'ai joué en mode difficile, parfait, très bien, mais gamer. Parce que ça en plus ça n'apparaît qu'une ou deux fois dans le jeu pendant un combat, moi je me souviens que c'est apparu là quand j'ai refait ma run, j'étais un peu plus attentif, c'était mon combat contre le pochard, donc juste avant la dame papillon, là ça s'affiche en bas à gauche de l'écran pendant le combat, tu peux le louper ou l'oublier, quoi. Et puisqu'on est un petit peu sur les critiques éventuelles, on est obligé quand même de parler un petit peu de la caméra qui a des petits qui est parfois un peu capricieuse, à la fois sur le lock quand les ennemis passent derrière nous, il y a quelques soucis, et puis les arènes fermées là, en fait limite, moi donc il y a le fameux ninja dans la grotte, vous avez fait le jeu vous en souvenez, c'est obligé parce que c'est l'enfer, et je me dis mais en fait pourquoi vous l'avez fait, parce que il n'y a pas besoin, agrandissez la la grotte, faites ouais, une ouais, vraie arène. Tu te dis, pourquoi vous gardez ça alors que vous savez que ça marche? En fait, moi, qu'on ait des outils comme une caméra qui ait des faiblesses, ça me pose pas de problème, tu vois. Mmh. Mais à ce moment-là, ne mettez pas une situation qui met en exergue absolument votre faiblesse. Ça n'a pas de sens, tu vois. Et du coup, c'est surtout vrai qu'ils ont dû s'en rendre compte. Enfin, c'est pas possible que ça soit passé au travers des tests. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a des petits soucis comme ça, et je pense que voilà, les gens qui ont eu des difficultés, quand tu tiques dessus, et là, tu peux vraiment pester contre le truc. Parce qu'en fait, c'est ça que le jeu, la plupart du temps, il est imprenable. Enfin, la caméra, elle marche en fait très très bien globalement, parce qu'en termes de vitesse, d'animation et tout, enfin, je veux dire, le craft vraiment de ce jeu, comment il a été fabriqué, on est quand même à un niveau de maîtrise qui est assez élevé, mais il y a encore des petites faiblesses, et limite, le jeu se tire un peu des balles dans le pied lui-même en créant soit des patterns, soit des situations qui vont mettre en exergue, comme je le disais, les faiblesses de la caméra. Il y a une attaque de Guillaume aussi, quand il saute sur place, trois fois, et souvent la troisième fois, la caméra, elle le lâche, alors qu'il est là, juste à côté de toi, c'est assez agaçant. Ouais. Voilà, ça c'était pour éventuellement les critiques. On n'a pas du tout parlé de la fameuse prothèse et qui est peut-être justement là, on disait bon, l'infiltration ninja, ça on peut peut-être un peu laisser de côté. Par contre, le côté je vais utiliser tous mes outils pour vaincre, ça c'est vraiment le truc de la prothèse, que donc c'est le sculpteur qui nous donne ça. On aura un grappin, mais très vite on va vraiment l'agrémenter de différents outils. Alors il y a des kunai, il y a une hache, il y a un lance-flamme, c'est des shurikens, Naruto. Tu peux avoir une version vénère avec les papillons de Dame Papillon. Ah oui, c'est partenaire un peu. Ouais. Il y a une hache, il y a une lance, il y a aussi une petite éventail qui sert de chapeau. Ouais. Et il y a la plume qui permet de faire des sifflets. Il y a le sifflet. Comme ça. Le sifflet, ouais, ça c'est vraiment l'outil. Bon, ça c'est la boîte de chasseur de Garman. Non, mais il y a des trucs qui sont un peu. Voilà. Bah, c'est vraiment quand t'as l'espèce de. Quand t'as 20 singes côte à côte, tu dis ok, là ça va me servir le sifflet concrètement, ça va être très utile. Et les pétards, évidemment. De Robert. Débat sur les pétards ou pas débat sur les pétards? Non, pas débat sur les pétards. On aime les pétards. Tout le monde aime les pétards autour de cette table. Bien sûr. Oui, quand on a la flemme, c'est bien. Mais comme dit, c'est le truc, c'est que c'est modulable. C'est vraiment, tu fais ton truc. Là, vraiment, comme tu as dit, c'était tous les moyens sont bons pour gagner. Et là, le jeu a complètement jarté le système RPG pour se dire les gens auront la même prothèse de base, vont pouvoir, alors il faudra plus ou moins fermer, mais auront un éventail plus ou moins large de possibilités, et le jeu est pensé pour qu'on puisse gratter un petit peu certains boss, profiter de certaines faiblesses. Effectivement, le pétard contre les bêtes sauvages, il est super efficace, hein, contre le taureau, le cheval de Guillaume, le singe. Ouais. Et c'est vrai que voilà, moi, dans mon appréciation personnelle, j'aime pas, parce que je trouve ça le fout à terre, tu peux le taper 5-6 fois, il y a un côté un peu trop entre guillemets gratuit, mais ça c'est moi comment je joue au jeu, comment je le ressens. Après moi je balance des shurikens par exemple de temps en temps, il y en a peut-être. Mais c'est vrai, tu vois, c'est là que je suis pas d'accord, parce que je trouve que les pétards en fait ils vont permettre de temporiser ou de se créer des fenêtres, mais en fait c'est même, je voyais du coup encore des vérandas, c'est pas des fenêtres. Non mais en fait tu vois, quand je voyais Benoît comme il fait son guide pour battre le singe, tu vois, en fait Benoît vraiment les pétards c'est au cœur de sa stratégie pour faire des dégâts. En fait il va esquiver tout que les autres, et après il se dit ok, c'est pétard, et maintenant je peux créer des opportunités de dégâts. Et en fait, donc c'est plus, encore une fois, je trouve que c'est quand même un outil qui te permet de t'adapter un peu au pattern d'ennemi et d'essayer de voir comment tu vas le gérer, tu vois. Donc je suis pas trop d'accord avec toi sur le côté c'est juste une espèce de fenêtre gratuite, parce que tu dois quand même gérer toute la défense, etc. Enfin, c'est une ressource en quantité assez limitée aussi, parce que du coup, tu dois aussi. Ça, on pourra en parler, ou peut-être qu'on pourra le border maintenant. Le système d'emblème, c'est un truc qui est assez faiblard, je trouve, dans Sekiro, parce qu'on en a très peu. Et donc, on est face à des gens qui, dans les jeux vidéo, vous le savez, Breath of the Wild, on n'aime pas consommer nos objets et on n'aime pas que nos objets se cassent. Et là, en fait, on a très peu de ces petits emblèmes qui nous permettent de les utiliser. Et comme on le disait entre nous, entre préparations, c'est dommage qu'on n'ait pas genre un refill automatique à chaque fois qu'on se repose à la statue. Comme la gourde, après tout, la gourde, elle est magique. Pourquoi les emblèmes, ils seraient pas magiques? Enfin, je veux dire, on trouve ça bien que ce soit limité pour un combat, pas par combat, parce que sinon, si on claque tout le temps les pétards ou Michuriken, tu grattes la plume. La plume te permet en fait de n'importe quelle attaque, c'est Naruto, c'est-à-dire que au lieu, tu ne transformes pas en petit rondin, mais tu passes en l'air ou tu passes derrière le perso. Mais c'est extrêmement fort. Donc c'est très bien que les emblèmes soient limités pour un combat. D'ailleurs, on peut acheter un stock un petit peu plus grand. Hein. Tu peux en avoir 10, 12, 16, ça monte peut-être jusqu'à 20. Mais effectivement, après, en fait, faut en trouver. Enfin bref, faut les farmer, quoi. Faut les farmer. Ouais, ou tu peux utiliser la dague qui te permet de t'enlever de la vie, un peu comme dans Bloodborne. En fait, c'est un peu comme les balles de sang. Tu vas perdre de la vie et tu vas en récupérer quelques-unes. Mais c'est pareil, ça reste ça reste une quantité très limitée et surtout ce qui ça peut être... Ça crée juste une contrainte en fait supplémentaire. Et ça marche bien quand on connaît bien le jeu, mais quand on meurt en boucle, en boucle, en fait on a tout sauf envie de les utiliser parce qu'on se dit bah ça sert pas. Oui, et le problème fondamental que j'ai avec ça, c'est que ça punit les gens qui galèrent le plus. Ouais, ça, c'est pour ça. Moi, c'est vraiment pas bien pour un soul sur. Et c'est vrai que tu vois, même on repense aux fioles de sang et tout dans Bloodborne qu'il faut farmer. En fait, à l'époque, moi je m'en rendais pas compte parce que c'était le premier auquel j'ai joué, mais c'est vrai que les astuces, en fait, cette idée encore une fois de refill à chaque fois, c'est plus logique en fait. Bah oui. Ça t'évite juste un truc qui est contraignant et qui sert. Surtout que la magie fonctionne comme ça. Ouais, dans c'est les ça. Souls, y a, non, mais dans les Souls, c'est bien. Ouais. C'est bien à part Dark Souls 3 et du coup mon Elden Ring, mais je veux dire, dans le 1 et le 2, c'est un nombre d'utilisation que tu as entre chaque fois que tu te reposes au feu de camp. C'est plutôt logique. C'est-à-dire qu'on te dit, bah voilà, pour cette session de jeu, tu as X possibilités d'utiliser ce pouvoir-là qui t'aide très fort, bien sûr, mais bah, une fois que tu les as utilisés, tu les as utilisés. Et du coup, bah voilà, chacun des gadgets va aussi permettre contre les boss. Par exemple, bah, les shurikens permettent de mettre à terre les boss qui vont en l'air, notamment Dame Papillon. Je sais que quand elle faisait son petit saut et bim, non, tu redescends et après t'allais la punir. Et même si tu rates le timing, t'as un peu récompensé parce qu'elle elle fait pas son attaque. Elle se pose sur sa ficelle et elle saute en arrière. En fait, tu sais, ça te donne un coup gratuit quand même parce que tu vas pouvoir la réceptionner quand. Et puis t'as les ninjas virevoltants là, tu sais, les mecs avec leur double fou là comme ça. Ils sont dur à battre si tu fais pas ça, par contre tu te fais vraiment. Toi tu parles peut-être de ceux du Moine Sempo, ils ont double lame, ils sont encore plus vénères. Ceux qui virevoltent là, t'as intérêt à les mettre à terre, sinon ils sont compliqués. Ouais, ils sont chauds. Et en fait, chaque objet va être des comptes comme ça, le feu contre l'ogre. Et ça, ce qui est pas mal fait, c'est qu'au début du jeu, en fait, il va t'emmener en fait le jeu à deux chemins. T'as le chemin donc à Ashina, mais aussi à Hirata, là, tu retournes dans le passé, et c'est là que tu vas récupérer notamment le lance-flamme d'abord, qui va te permettre de contrer l'ogre à l'intérieur d'Ashina. Tu vas récupérer les haches qui te permettent encore une fois de faire des comptes. Complètement optionnel, hein. Tu peux complètement zapper parce qu'il faut aller parler aux deux petits PNJ. C'est vraiment optionnel Hirata. T'es pas obligé de faire Hirata ? Ah ouais, d'accord. C'est un soldat en fait qui est en train de mourir et qui dit aider ma mère à côté. La mère te donne la petite cloche et après tu retournes à la statue du Bouddha, mais tu peux passer à côté. T'es pas obligé de faire Hirata pour finir le jeu ? Non. D'accord. Ok. Il n'y a rien à récupérer. Ok, ça marche. Non, mais voilà, je me souvenais plus. Mais c'est vrai que c'est un chemin parallèle. C'est un souvenir, en fait. Effectivement, ça se trouve, t'es pas obligé de le faire. Ça t'aide parce que tu vas gagner des bonus d'augmentation de vie, des graines de gourde. Et les objets. Et les objets. En tout, t'as trois prothèses, que t'en as une qui est bien cachée. Mais... Des écailles là, de truite aussi. Ouais. Là, Les carpes. Les carpes. Petite truite, pourquoi je te truite depuis tout à l'heure. Mais c'est optionnel. Tu peux complètement passer à côté. Et puis, le dernier objet qu'on peut mentionner, c'est aussi la fameuse lance. Et ce qui nous permet de parler de Robert, avec cette fameuse lance où dès que tu la récupères, on te dit ça permet de retirer les armures aux ennemis. Et qu'est-ce que tu vois un tout petit peu après ? Oh, un ennemi en armure qui bloque un pont. Bah, je vais utiliser la lance. Non. En plus, c'est un ennemi puzzle. Tu peux pas le battre comme d'hab. Tu peux pas lui remplir sa barre de posture et le tuer après parce que son armure ça passe pas. Je crois que c'est ça le truc. Oui, ça bloque tout. Et effectivement, tu as une lance. Alors, t'es pas obligé de l'avoir, mais comme dit, le jeu il met sur ton chemin des gens qui discutent, qui parlent d'une lance. Il te met juste après un ennemi qui a effectivement une petite armure. Alors, pas chevalier comme lui, mais quand même un truc devant. Tu la retires de son vide. Ouais. Tu dis ok, j'ai une lance qui retire des armures. C'est dans la description, comme tu as dit, littéralement, ça sert à retirer des armures. T'as un ennemi en armure puzzle, ça marche pas. C'est vrai que c'était un souci de traduction, on n'en sait rien. Mais par contre, c'est un truc qui est vraiment confus parce que c'est des jeux qui sont compliqués, qui nous posent un certain challenge, mais en général, ils sont relativement fair-play. Ça fait partie un petit peu du discours ambiant autour de ces jeux-là. Et là, malheureusement, le jeu, il nous donne une info qui est fausse. Donc, tu dois te débrouiller avec ça, quoi. Sachant que là, il y a ce truc-là et tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Que c'est pareil, la lance, c'est pas marqué dans la description que ça permet de tirer les vers du nez. Alors que c'est pas gorille. Utile, alors qu'en fait, la lance sur le gorille, c'est ultra pété. Mais c'est pas nécessaire, du coup, j'aime bien que ce soit un peu caché. Moi, j'aime bien. Effectivement, quand il y a des petits surplus comme ça, tu dis ah ouais, si je pense à l'utiliser comme il a le vert, ça le permet de tirer. Enfin, je trouve que c'est cool, tu vois, il y a une animation qui est prévue, etc. Mais voilà, c'est vrai que ce côté, ce puzzle, moi ça m'a saoulé. Hein, enfin, moi j'ai vu que je pouvais pas servir de la lance, je fais attends. En fait, ça, c'est typiquement, je fais direct internet. Oui. Je fais genre quoi, qu'est-ce qui se passe ? Tu me mens le jeu ? En fait, je vais voir sur internet, il faut le pousser, c'est de la merde. Et un jeu, normalement, il va pas, s'il te ment, c'est pour une bonne raison et c'est pas pour te compliquer la vie, tu vois. Et là, il y a un truc qui est. Là, un c'est peu comme pas Super Metroid où en fait, les murs, il n'y a pas de mur, en fait, mais celui-là, tu le vois pas avec le rayon X, tu fais ah bon, d'accord, on respecte plus les règles, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très frustrant. Donc ça, pour moi, voilà, un des petits plantages du jeu. Bon, c'est rigolo, oui. C'est pas non plus. Anecdotique, hein, bah, à oui. l'échelle du jeu. Mais c'est vrai qu'on voulait en parler pour les. Ce qui est intéressant avec la prothèse aussi, donc comme on l'a dit, il y a plein de boss ou de mini-boss qu'on peut gratter un petit peu avec certains outils. Et ça, c'est un truc, ce côté marge un petit peu, marge de manœuvre, ça a toujours existé dans les Souls. Hein. Avant, il y avait. Si on voulait se faciliter un petit peu la vie, il y avait des invocations, il y avait des buffs, tu vois, voilà, il y avait magie, pyromancie aussi, ça peut toujours plus modulé en fait le challenge en exploitant ou non. Ouais, c'est vrai que tu sais, mettre du feu sur ton épée, bon, voilà. Tu fais une diff quoi. Et dans Sekiro, il n'y a plus tout ça, il n'y a même pas de farming. Il y a un peu de farming, mais en fait, l'XP était très vite capé, et puis c'est pas non plus. T'en as pas autant que dans les Souls. Donc là, c'est la prothèse qui va apporter ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est justifié narrativement, parce que dans les Souls, bon, c'est là, et puis voilà, c'est à nous de faire notre popote. Et là, dans Sekiro, c'est vraiment. T'es un shinobi, tous les moyens sont bons pour gagner, voilà ta prothèse, voilà tes ennemis, serre-toi de la prothèse et voilà, tout, t'as les aimants en clé si tu veux gratter. Et ouais, du coup, cette idée d'abuser de tout ce que t'as à ta disposition pour aller au bout, bah, moi, c'est très logique en c'est fait. C'est vraiment la philosophie du jeu et c'est, voilà, le jeu embrasse ce truc-là et c'est cool en fait que de se dire que narrativement, ils embrassent un truc qui a toujours été là en fait dans les Souls, de dire, bah en fait, oui, vas-y, gratte, on te donne plein d'objets, faut t'en servir en fait, ça sert à rien de garder 38 braises dans ta poche, Hugo. Bah oui. Il faut les utiliser. Les sucres, les sucres, les ballons Mibou. Ça, c'est le problème des consommateurs. Il y a toujours cette espèce de conflit intérieur. Voilà. Je sais pas si je m'en sers. Peut-être que je vais les utiliser. Oui, quand à la fin. Bien sûr. Et en fait, non. En plus, c'est trop cool. J'adore les pauses des sucres. Petites pauses. Cool. Bon, faut avoir le temps de le faire. Mais dans le truc du combat, moi, j'aime bien prendre mon temps de faire ma petite posture là, pour impressionner l'adversaire. Et tout ça fait qu'en fait, ce qui est réussi, c'est que non seulement en plus, tous ces outils vont rajouter en fait à la richesse du combat, et c'est un jeu qui va nous emmener vraiment à vivre des moments extrêmement intenses en fait de combat entre la défense, l'attaque, les objets. Les combats de Sekiro, c'est vraiment tous des combats en apnée, mais en apnée extrêmement rapide. Tout va très très très vite, et surtout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours ce sentiment d'être à la lisière un peu de la mort. Pourquoi ? Parce que les ennemis font très très très mal. Enfin, Sekiro, jusqu'au bout, il reste fragile en fait. Et t'as des ennemis, ils te font des chops, c'est trois quarts de ta vie qui descend. Si t'as pas pris la potion, si tu t'es dit « ouais, ça va, j'ai deux tiers, je passe », tu meurs. Et ça, c'est une des citations de Miyazaki, tu vois, où il dit le côté shinobi, pas d'armure, machin, plutôt frêle. Donc, effectivement, ils sont beaucoup plus faibles que leurs adversaires. Et donc, comme dit, t'es à la lisière de la mort. Et ce qui te permet aussi de perdre autant de vie, c'est que t'as cette mécanique de résurrection qui fait que voilà, tu peux mourir, mais tu peux shadow die twice. Même plein de fois. Hein. Oui, tu peux shadow die thrice, fourth. Après, il y a tout un système qui est pas forcément hyper intuitif. Puisque nous avons donc, alors vous êtes prêts, prenez des notes, il y a trois du coup barres de vie, tout ce que nous on a tout simplement. La première se rechargera tout le temps hein, quand on se réveille, quand on va à un hôtel. Par contre, les deuxièmes et les troisièmes, il faut les charger en tuant des ennemis. Sauf que quand on en a vidé une, on peut pas enchaîner deux résurrections. Ouais. Il faut tuer un ennemi avant d'avoir le droit de ressusciter une nouvelle fois, à condition du coup que la barre soit pleine. Il faut récupérer un orbe en fait. Hein, littéralement, les ennemis, c'est des orbes. Trois petits orbes qui se rechargent. Sachant que t'en as que deux. Ouais. La troisième, il faut la récupérer avec Kuro. Il y a une espèce de petit dialogue annexe. Tu peux passer à côté là aussi. Mais c'est vrai que cette mécanique, et surtout, c'est que cette mécanique, en fait, dans la communication du jeu, ils en avaient fait un. C'est le sous-titre. C'est le sous-titre Shadows Die Twice. Et nous, je suis sûr que c'est les trucs, dit Activision. On a une super idée, ça va, on ressuscite et tout. Et en fait, c'est typiquement le genre de truc pendant le développement, genre, ouais, en fait, on peut pas faire 1000 trucs avec, vois. Et au final, c'est juste de l'équilibrage des combats. Ouais. Et dans l'ensemble du truc. Alors ça crée quelques petites situations rigolotes, tu vois, le fait d'un point de vue narratif, ça explique le fait que voilà, on ne meurt pas, on revient à la vie quoi qu'il arrive. Ok. Effectivement. Mais encore, tu vois, enfin, je veux dire, dans les Souls, tu meurs pas non plus, tu revenais quand même au feu, donc voilà. Mais là, t'avais une tâche, ça n'a rien à voir. Excusez-moi. T'as une marque là. Voilà, ouais. Pardon. Mais là, du coup, t'as moins cette frustration quand même de vraiment mourir. Alors à part contre les boss, hein, parce que là, c'est des arènes fermées. Mais quand c'est contre des PNJ ou quoi, comme t'as la mobilité, si t'es dans une zone vraiment c'est compliqué, ils viennent de te buter une fois, tu sens que ça va pas le faire, hop, tu t'attends un peu qu'il parte, tu te ressuscites. En général, il te repère quand même. Hein. C'est très rare qu'il te voit plus. Mais s'il te voit plus, tu peux t'enfuir. Mais sinon, au pire, tu sprints, tu cours, tu utilises le grappin et tu vas pouvoir revenir à l'hôtel, garder ton argent, garder ton XP au lieu de t'être fait tuer deux fois de suite. Quoi. Et en tout cas, en fait, in fine, ça sert vraiment à créer un équilibrage qui fait que tu meurs vite quand même dans les combats. Ouais. Tu peux vraiment te prendre un mauvais coup. Il y a des coups. Mais c'est parce que tu dis les saisies. Et encore, les chops, tu vois, c'est les plus fair entre guillemets. Ouais, ouais. Parce que t'as le kanji, en général, t'as l'animation. Quand tu t'es fait choper, bon, il y a le côté ok, ça a mis du temps, parce que dans les souls c'était en général ça, c'est plus un coup est lent, plus il va te faire de dégâts. Ah là t'as des coups rapides, mais il t'enlève la moitié de ta vie, et tu sais, ça se joue vraiment sur une erreur de déviation de part de quoi, et pouah, tu perds les trois quarts de ta vie. Bah Ishin, ça joue à ça, enfin la lance là, quand il commence à sortir la lance, déjà le pouvoir traction qu'elle a, cette truc, elle est très très très très longue, et ouais, elle est taloche, tu vois ta vie, ça fait bam, comme ça, tu fais ok, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, désolé. Donc c'est vrai que c'est... Les combats demandent vraiment une concentration, une intensité, et ouais, ça peut être... Bon, voilà, on peut revenir sur la difficulté, ça peut être... voilà, le jeu peut être... Oui, pour moi, c'est un jeu qui est vraiment assez haut, tu vois, dans le spectre de l'exigence, parce que c'est des combats qui sont longs. Le combat contre Ishin, c'est 4 phases enchaînées. C'est long. Alors ok, la statue, elle est juste à côté, mais voilà, c'est galère, et chaque phase te demande de changer un petit peu ton comportement. À l'époque du jeu, quand il s'est sorti, je disais, tu sais, Genichiro, c'est tu passes ton bac et après t'as ton doctorat avec Ishin, parce que c'est vraiment l'intégralité de toutes les choses que tu as apprises au cours du jeu vont être reposées face à, ça va être un check final contre Ishin. Et justement, on peut transitionner sur une autre partie, un truc qui nous a beaucoup marqué quand on en a parlé, c'est que le fait qu'à travers le combat, à travers la façon dont les ennemis vont utiliser leurs sabres, etc., on va avoir une véritable narration. Il y a vraiment énormément de choses qui sont transmises par la façon dont les gens vont combattre. Typiquement, tous les gens qui vont respecter la façon dont Ishin se bat, ils vont utiliser le Ishimonji, ils vont utiliser des attaques de Yaido, donc c'est-à-dire quand on dégaine l'arme, il y a le fameux boss, tu sais, qui fait clac-clac, qui est excellent, parce que c'est vraiment un check de... Et au fait, pense à parer. Ouais, c'est fait, ça, ouais, l'ennemi c'est... va s'empaler tout seul. Tu peux parer deux fois, en fait, d'affilée très très vite, ça marche aussi, clac-clac, et ça marche aussi, ouais. Et c'est un bon boss d'ailleurs pour checker ce truc-là. Il va y avoir, donc ça c'était Max qui l'avait noté, les disciples de Tomoe, donc la fameuse guerrière. Ouais. En fait, le disciple de Tomoe, c'est Genichiro. Ouais. Parce qu'il y a tout le lore, on n'a pas expliqué, mais donc au palais de la source, il y a les nobles, là, les monsieur poulpe qui jouent de la flûte, et il y a des guerriers aussi qui étaient des guerrières Okami qui se sont un petit peu transformés. parce que monsieur poulpe qui joue de la flûte, là t'es ok, donc il y a un caméo de monsieur poulpe qui joue de la flûte, très bien. Ah non, mais et il y a des guerrières qui virevolent dans les airs, qui ont un arc et des flèches, et en fait Tomoe, qui était donc le mentor de Genichiro, était une guerrière Okami, et il y a des patterns en fait en commun entre Genichiro et ces guerrières qu'on voit au palais de la source, et ça tu le vois, quoi. Et ça, du coup, tu le ressens en fait dans les ennemis que tu vas croiser, c'est-à-dire que tu vas retrouver, bah, tu sens que les généraux qui sont des vassaux de Ishin, ils ont certaines de ces attaques, ils vont retrouver une partie des mouvements. Les lances d'Ashina utilisent d'une certaine manière la lance, elle, de la même manière que Ishin va l'utiliser à la fin, et moi je trouve ça vraiment excellent, parce que du coup, quand tu croises des ennemis qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire les moines senpo, bah, ils ont leur manière de combattre à eux, les snake eyes, vraiment les pillards, les femmes là avec leur espèce de mousquet étrange qu'elles peuvent accrocher, elles sont horribles, elles sont super dures, elles sont très très dures. T'as un gorille, voilà, lui, bah le gorille il se bat pas comme et ça, il se bat comme un gorille, tout simplement. Non, mais c'est vrai que de toute façon, les From Software, ils ont toujours brillé par leur bestiaire aussi, c'est quelque chose qu'ils savent faire et ils savent nous marquer grâce à ça. Mais là, encore une fois, comme tu dis, c'est les patterns, c'est l'animation qui va donner de l'identité du combat, et en fait bien pouvoir aussi comprendre les forces en présence, tu vois, les différents clans, les différentes philosophies qui les marquent, et c'est en combat que tu les croises. La chouette, il utilise les pétards, il utilise des outils comme toi, en fait. Je crois que c'est dans sa version jeune, il a aussi l'espèce d'estoc qui fait virevolter dans les airs une fois que tu as touché l'ennemi. Peut débloquer aussi, et on peut les apprendre, c'est un peu la petite récompense, qu'on l'a pas dit. On peut apprendre des nouvelles attaques, et c'est vrai qu'il y a certaines attaques vraiment très puissantes. Alors, au prix d'un grand nombre d'emblèmes, mais tu peux les utiliser et les placer de temps en temps, ça marche bien. Donc voilà, c'est ce qui fait que le jeu brille vraiment par son combat, par tous ces affrontements. Et c'est, encore une fois, je le dis, c'est pour ça aussi peut-être qu'il est peut-être plus haut en termes de difficulté que les autres, c'est que c'est ça le jeu, quoi. Il faut aller faire tête-tête avec tous les ennemis, et il y en a quand même qui sont costauds. Enfin, vraiment, ouais, le singe Ishin, parmi tous les boss des Souls que j'ai fait, je crois que ça fait partie des plus... Enfin, tu vois, j'ai le roi sans nom dans Dark Souls 3 qui m'a bien cassé les pieds. Il y a Gaël aussi, qui est assez vénère. Voilà, Ludwig aussi dans Bloodborne. Il y a un mec à deux, Sullivan, quelque chose comme ça. Lui, j'avais Sullivan dans Dark Souls 3, c'est un gros check, lui aussi. C'est un gros check, ouais, c'est vrai. Non, mais voilà. Et là, dans Sekiro, il y a un gros taux de concentration, je trouve, de gros boss vénères. Et encore, il y en a qui sont, enfin, tu vois, on n'a pas parlé du démon de la haine qui est un petit peu raté, ouais, parce c'est que justement, le boss étrange. Hein. C'est, on a l'impression qu'il sort de Bloodborne, tu vois, et la philosophie de combat est un peu particulière et il est grave, enfin, il peut être dur aussi, quoi. Mais ça mène quand même vraiment au feeling que les Souls faisaient où t'es devenu plus fort, ouais, factuellement. Tu sais, comme tu le disais, c'est que le singe, tu pouvais mourir à sa première phase, tu vois, au début, tu pouvais mourir plusieurs fois à sa première phase, et en fait, tu vas devoir en faire une deuxième après ça, c'est-à-dire que t'es capable d'avoir fait tout ça, d'avoir appris la première, d'avoir appris la deuxième, et plus tard, tu vas te taper deux singes en même temps, tu sais, tu vois l'autre débarquer, tu dis, mais je sais pas si j'en suis capable, au début, et en fait, si, t'en es capable, et après ça, t'as Genichiro, ça devient, enfin, tu le défonces, Genichiro, avant Isshin, tu vois, la version avant Isshin, enfin, tu sais, moi, je vais pas le défoncer tout de suite, hein, mais au bout d'un moment, enfin, tu l'as quand même, déjà, après, ça devient une formalité, quoi, c'est la phase. Histoire de dire il est là, quoi. Au bout d'un moment, moi l'objectif c'est, mais je claque pas une seule fois limite tu prends pas de dégâts, quoi. Et ce qui est cool, c'est que c'est vraiment la petite haie que tu sautes avant Isshin, et après si t'enchaînes direct avec le New Game Plus, t'as donc ton premier combat contre Genichiro, et là t'as plus du tout tes améliorations, ton attaque supplémentaire ou quoi, et t'es chaud, tu vois, tu peux vraiment lui t'as tenir même pas tête le tu le gardes pas, le Mikiri? Je pense pas que j'ai pas fait New Game Plus. Alors je pense que les skills tu dois les garder, par contre. Peut-être que tu gardes ton Mikiri, parce que du coup il fait son attaque des stocks, donc tu peux. Ton attaque qui augmente quand t'as battu les boss. Ah oui, oui, tous ces trucs-là, De toute façon, moi j'avais recommencé une partie, donc pas New Game Plus, et je l'avais battu, tu vois, donc c'est carrément possible. Et ça, tu vois, au début du jeu, t'en aurais été complètement incapable. De toute façon, c'est un jeu qui, à chaque fois, c'est le jeu peut-être qui te met le plus tête des murs, où tu sais, tu continues à regarder de plus en plus en haut et t'as pas l'impression de voir la hauteur, parce que tu te dis, mais je sais pas si je vais pouvoir, parce que tu sais, tu te prends deux taloches, tu fais oh là là là là, il fait mal, et en fait à chaque fois t'y arrives, et c'est vrai, bon, quand tu bats Isshin, moi j'avais un sentiment, c'était quand même puissant, tu vois, il y a quelque chose qui est une espèce de flamme en toi, et en plus j'adore le jeu, il te dit bien joué Sekiro, enfin c'est les studios qui te disent GG, tu vois, et ça fait trop plaisir, parce qu'encore une fois tu sais que t'es dans ce dialogue constant avec eux, à la fois avec les blagues, mais à la fois sur on sait qu'on va t'emmener là, on sait que t'en es capable, on te fait confiance, et encore une fois c'est le discours des jeux From Software qui fait plaisir, qui fait du bien, c'est pour ça qu'on les aime, voilà. Et on l'a pas dit, mais c'est la fameuse phrase de Isshin là, si tu hésites tu meurs. Vraiment la philosophie du jeu, c'est-à-dire que dès que tu te doutes et que t'es pas dans une espèce d'instinct où tu dois réagir vraiment au quart de tour, tu te prends un coup, et du coup, si tu hésites, t'es mort. Il faut se faire confiance et on arrive à faire de grandes choses. Bien sûr. Tout simplement. Ou sinon, faut regarder mes guides et puis. Oui, voilà. Ouais. Vous y arriverez, je vous donnerai des petites astuces. Ça va bien se passer. Merci. Voilà. Le dernier point qu'on voulait aborder, c'est qu'en fait, justement, comme c'est le combat qui est au cœur du jeu, en fait, la grande richesse, la grande force des jeux From Software habituellement, c'est évidemment leur level design, ces niveaux interconnectés, ces raccourcis, cette science comme ça de la boucle, de nous ramener à des endroits, de dire oh là là, en fait, je suis là, attends, c'est foutu comme ça. Là, dans ces Kiro, en fait, comme il y a ce grappin qui va vraiment casser toutes les mécaniques de traversal, c'est un mot maintenant qu'on utilise dans le jargon, les gens l'utilisent sur le Discord, ça fait plaisir, vous êtes éduqués. Le sens de la marche, la vidéo Game Next Door, pour savoir ce que c'est. Bien sûr. Et vraiment, là, le jeu casse complètement sa philosophie de level design. On a beaucoup plus de verticalité. Et surtout, on peut traverser les niveaux schlack, pas en Spider-Man, mais pas loin, quoi. C'est un peu l'idée. Hein. Vraiment, la vallée des singes, tu vois, je ah ouais, un truc ouais, incroyable. Je m'en souviens même pas. Enfin, je me souviens qu'il y a des grosses statues. Voilà, et le singe. Voilà, et boum. Et en fait, elle est assez longue. Il y a le serpent qui est caché. Enfin, il y a plein de trucs, mais en fait, ça peut aller tellement vite. On n'arpente plus les niveaux comme avant, tu vois. Tu sais, là, je jouais au remake de Demon's Souls, c'est vraiment chaque centimètre carré, faut connaître, faut tout fouiller, patati, t'es lent, ça va doucement. Là, Sekiro, il y a des zones, j'ai l'impression que soit je les ai traversées en courant, soit vraiment je les ai survolées limite, parce que j'avais pas besoin de t'arrêter, en fait. Et c'est réussi, et c'était la volonté de base, c'était d'avoir un grappin, mais paradoxalement, du coup, c'est pas vraiment ce qu'on va retenir le plus, parce que comme tu disais, c'est plutôt le système de combat, les boss, et finalement, le déplacement, c'est ce qui va nous permettre juste d'y aller, tu vois. Le déplacement est pas non plus, c'est pas incroyable, tu vois, c'est pas vachement plaisant, tu dis pas j'adore grappiner, c'est réussi, c'est bien. Mais ça reste du déplacement assez fonctionnel finalement. En fait, le jeu vraiment va sacrifier. Enfin, c'est pas un sacrifice en fait, c'est juste un choix justement de laisser de côté ça, parce que de toute façon ça n'aurait pas marché comme ça. Après, je trouve quand même qu'il réussit. Enfin, moi, la réserve d'Ashina, je trouve comment elle est foutue, ce château où il faut retrouver la petite porte là, la petite fenêtre pour pouvoir rentrer justement dans la zone. Après, t'es pris le kamikaze. Oui, voilà. Mais je trouve qu'il y a une vraie verticalité, il faut vraiment tourner autour, chercher, etc. Et là, j'ai retrouvé retrouver un peu le sentiment d'exploration, de me dire ok, cette zone elle est vraiment foutue comme ça, maintenant je la connais, etc. Et c'est rare, finalement le jeu a du mal à retrouver un tel niveau justement de verticalité, de complexité et tout. Après c'est souvent bah il y a 2-3 branches et puis tu te balades et puis terminé quoi. Donc voilà, ça c'est vrai que ça a été mis de côté, et c'est ce qui fait que bah in fine Sekiro est quand même un jeu vraiment différent. On sent vraiment que Dark Souls 3 c'était la clôture de bah d'un cycle justement chez From Software, et que Sekiro, alors est-ce que c'est le début d'un nouveau, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est vraiment une expérimentation, un jeu qui va rester un peu unique, j'ai l'impression, dans la ludographie de From Software, en tout cas depuis que Hidetaka Miyazaki est là quoi. Ouais, c'est ça, bah, ça va être à la fois un jeu unique, puis ça va leur permettre de continuer de nourrir leurs réflexions, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment dans une progression, vraiment de jeu en jeu, on sent que les acquis des jeux précédents bah, sont digérés et ils vont aller un peu plus loin. Et remis en cause là, aussi. Là, juste pour micro, pas de spoil, mais juste aborder 2 secondes Elden Ring, quand on voit la qualité des animations et la richesse des patterns des boss qu'on a croisés dans cette bêta, on se dit oui, bien sûr qu'il y a eu Sekiro avant, c'est évident, tu vois, c'est pas juste Dark Souls 3, il y a eu Sekiro entre les deux, et on le ressent dans le rythme, on le ressent dans pas mal de choses. Donc en fait ça leur permet eux de continuer de nourrir cette réflexion qu'ils ont depuis le début, et de continuer de donner vie à ce qu'a envie de faire Miyazaki, c'est-à-dire des jeux où on a envie comme ça de se dépasser et de ressentir du plaisir quand on y arrive. Et puis surtout, moi je trouvais, enfin même on avait dit ça sur les Soulsborne, je trouve que la formule, tu vois, raccourci et tout, je trouve qu'elle est fantastique, mais après Dark Souls 3, on avait compris, tu vois, bah on oui, était c'est vraiment bon, en mode, ouais. C'est bon, enfin on sait que vous savez faire, vous l'avez bien fait, vous l'avez bien exploité, Bloodborne, Dark Souls 3, voilà, et Dark Souls 1 aussi, enfin qui est incroyable de sa manière, comment il est construit, c'est un jeu qui est complètement fou, mais bah c'est bon, on sait, et je trouve ça tellement rassurant de voir ce studio se dire bah vas-y, on essaie des choses, et maintenant bah ils vont s'attaquer à un monde ouvert, on va voir comment ils vont s'en sortir, hein, SO les marais de 15 km², mais voilà, je suis content, en fait, je suis vraiment content de se dire que ce studio il est en bonne santé créative, en fait, c'est-à-dire que bah c'est bon, on a fait ça, ils maintenant sont pas arrivés au bout de leurs idées, ouais. Ouais, ils continuent d'explorer, ils continuent d'explorer, en fait ça fait super plaisir, parce que finalement ça fait que 12-13 ans maintenant qu'ils font ce qu'ils, on sent que voilà, comme je dis, j'ai l'impression qu'on est passé c'est une nouvelle Sekiro, c'était un peu un point d'accroche comme ça, et avec Elden Ring on va voir à quel point ils passent une nouvelle étape, même si bon, encore une fois, on est plutôt confiant, déjà ça oui, mais on est quand même à la maison, je veux dire, c'est quand même Dark Souls. Mais tu sens que c'est ça, c'est un peu, c'est vraiment une rencontre un peu Dark Souls 3, Sekiro. Tu sens l'influence des deux, quoi. Et puis, je crois qu'on a tout dit, hein, pour Sekiro. Voilà, un jeu qui est vraiment unique et qui est original. Et en fait, moi, c'est un jeu que j'aime bien, en fait, dans la ludographie, parce que justement, il est différent, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien Bloodborne aussi, parce que je trouve qu'ils sont pas pareils. Et moi, à titre personnel, je préfère légèrement Sekiro à Dark Souls 3, justement, par son originalité, pardon, ce qu'il apporte de nouveau. Ouais, c'est cool. Enfin, vraiment, je me dis, mais ça fait plaisir, tu vois. C'est cool de se dire que voilà, ils ont Dark Souls, ils ont Bloodborne, ils ont Sekiro. Encore une fois, voilà, un studio, bon, on les aime, allez, ça suffit. Mais oui, mais vous le savez, non, mais surtout qu'ils ont pas semblant, voilà. Évidemment, mais de toute façon, ils ont apporté tellement de choses ces dernières années. Enfin, en plus, il leur reste des licences, tu vois, ils ont toujours pas relancé Armored Core, etc. Donc, je pense qu'ils ont encore un petit peu sous le pied. Clairement, Elden Ring, pour moi, c'est un check. C'est vraiment leur truc, c'est. En général, on appelle ça, enfin, tu vois, j'en avais parlé dans mon bouquin sur Witcher, mais c'est le Saint Graal du jeu vidéo. L'open world, aujourd'hui, c'est le truc le plus complexe à faire. Ouais. Ça coûte des ronds de malade, c'est énorme. Donc, c'est vraiment une vraie difficulté à laquelle eux-mêmes s'attaquent. Mmh. Et s'ils arrivent à franchir ça, c'est quoi la suite ? J'en ai aucune idée pour l'instant, mais en tout cas, voilà, on sait qu'ils ont encore cette curiosité, cette envie de continuer à chercher et de réfléchir tout ça. Donc, ça, mais c'est cool. Ce qui est sûr pour moi, en fait, c'est que tu vois, maintenant, je les regarde comme les mecs qui ont fait Metroid, comme les mecs qui ont fait Zelda, tu vois, c'est-à-dire que c'est des gens, ils ont marqué le. Enfin, ah bah, c'est sûr. Enfin, c'est fini maintenant, tu vois. C'est des on pourra cultes, pas hein. les oublier, tu non, vois. Non, c'est, ouais. c'est cette période-là où ils ont renversé le truc. Ouais. Et là, ils continuent encore. Enfin, pour moi, ça y est, tu vois. Tu sais, je donne des cours d'histoire du JV. Il y a toute une section sur Dark Souls, tu vois. Je parle vraiment. Il y a toute une partie. Et c'est pas juste parce que c'est mon jeu à moi. C'est juste parce que quand tu regardes l'histoire globale du jeu vidéo, tu ne peux plus aujourd'hui. Parler du jeu vidéo moderne, c'est-à-dire post-2010, sans aborder Dark Souls. Et From Software en général. Voilà, je crois qu'on a donc tout dit sur Sekiro. Bon, ça faisait plaisir, on va pas se mentir. Oui, clairement. On était contents, comme on l'a dit, la hype Elden Ring nous a un petit peu donné la petite poussette supplémentaire pour qu'on en avait besoin. Oui, oui, pour faire cet épisode. On vous remercie évidemment eh bien, de nous soutenir sur Patreon. On vous l'a dit, on a un super programme là qui arrive. Il y a vraiment des gros missiles, des jeux, je suis sûr, qui vont surprendre les gens. Vous ne voyez pas tout venir, ça, je peux vous le dire. Voilà, le Patreon, les sessions FDG. On va peut-être d'ailleurs même commencer. Je pense que c'est possible hein, que vous puissiez nous retrouver à tout moment. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch. C'est juste que tant qu'on n'a pas atteint le palier, ce n'est pas un engagement. Voilà, c'est ça. Ce ne sera pas systématique, il n'y aura pas un planning, etc. C'est juste que ça peut arriver qu'on se retrouve sur Twitch pour jouer eh bien, aux jeux qu'on va aborder dans l'émission ou même pour découvrir d'autres trucs qui peut-être arriveront plus tard. Voilà, on se met pas de contraintes, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch, Fin du Game JV, tout attaché, c'est facile à nous trouver, c'est comme notre Twitter. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, n'hésitez pas à aller voter sur la blacklist. Hein. Il y a des jeux, vous pouvez décider du destin de cette émission. Et là, je me prends pour Denis Brognard. Le feu. donc voilà, merci énormément. On remercie également donc Third Edition pour le livre sur Sekiro. Ça, c'est toujours dispo. Je le montre à la caméra qui n'existe pas. Ce que vous entendez, c'est ce bruit de page. Et on va faire un petit peu d'ASMR. Donc voilà, ça, c'est le livre que je suis en train de caresser. Voilà, si vous voulez découvrir tout ça. Évidemment, comme vous le savez, c'est pas une émission dans laquelle on rentre beaucoup, dans le lore, etc. C'est pas notre champ d'expertise. Ça, vous pouvez être sûr que vous aurez de quoi faire dans ce bouquin. On se retrouve dans 2 semaines. On va parler encore de taper des monstres. Ça, c'est... Mais cette fois, voilà, avec d'autres armes que le katana. Je sais pas, des épées qui se transforment en haches, des lances qui se transforment en pistolets. Mais de quoi on va parler? Ça va être fou. Encore de tutos compliqués. Oh putain. Et des pop-up. Et des pop-up. Voilà, dans 2 semaines, on se retrouve donc pour parler de Monster Hunter World. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Ciao. Salut.